Mais d'aucuns des meilleurs parents, vous sais-je bien dire les noms, de ceux de la table ronde, qui les meilleurs furent du monde. Mais je vous saurais bien dire le nom de quelques-uns des plus fameux barons de ceux de la table ronde, qui étaient les meilleurs au monde. Devant toutes les bonnes chevaliers, doivent être Gauvins les premiers, les secondes Erec les Fitzlac, les tiers Lancelot du Lac, Cornemont de Grohot fut Quartz, et les Quins fut les Beax Collards. Au tout premier rang des chevaliers valeureux, il faut d'abord mettre Gauvin. Le second est Erec, fils de Lac. Le troisième, Lancelot du Lac. Gornemont de Grohot était le quatrième, et le cinquième, le Beaucouard. Les sixtes fut les Leds Harditz, les simes Melians Tulitz, les huitièmes Modwitz les Sages, Nuemes Dodinets les Sauvages, Gandelutz soit dismes Contets, en lui avouet Mantes Bontets. Le sixième, le Lay Hardy, le septième, Melian d'Ulysse, le huitième, Mauduit le Sage, le neuvième, Dodinel le Sauvage, que Gandelus soit compté pour le dixième, c'était un chevalier aux multiples qualités. Écoutez, je comprends parfaitement le problème, hein, la virilité, vos responsabilités, le jugement des autres. D'accord, je me suis peut-être trompée, c'était pas forcément le bon endroit. Vous l'avez enlevé, vous avez eu raison. Ah bah, quand même. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Rex Condam, Rex Quae Futurus. Épisode 5. Les premières romances de Chrétien de Troyes, Erec et Enid et Cligès. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va vous parler des auteurs français, un parangon de la littérature française médiévale, Chrétien de Troyes, un favori des programmes scolaires et du roman national littéraire français si on veut. Ouais, peut-être être un peu le premier en fait, si je doute qu'en France on lise beaucoup le roman d'Alexandre ou le roman de Thèbes ou le roman d'Énéas avant, ou même Boisse, avant de lire Chrétien, donc oui c'est probablement le plus, probablement des auteurs médiévaux les plus connus en tout cas pour les écoliers et les collégiens et les lycéens français. Aujourd'hui, dans le premier de ce qui sera trois épisodes, on va vous introduire à Chrétien de Troyes, vous parler un peu du personnage, de son époque, du contexte historique, politique, littéraire dans lequel il écrit, et on va vous présenter deux de ses œuvres, les deux premières romances arthuriennes qu'il écrit, Erec et Enid en premier lieu, et Cligès. La première, Erec et Enid, est l'histoire en fait de Erec qui aime trop sa femme et qui arrête de guerroyer, basiquement, mais sa femme entend des commérages là-dessus et du coup le décide à repartir à l'aventure, mais il est un peu vexé, alors il lui ordonne de pas lui adresser la parole, mais malgré ça elle va braver son interdit et se révéler en fait une précieuse collaboratrice. Et ensuite l'histoire de Cligès qui suit en fait deux générations de Byzantins, Alexandre puis son fils Cligès justement, et comment il va réussir à marier Phénice dans une histoire qui nous rappelle beaucoup l'histoire de Tristan et Iseult en fait. On a souvent dit qu'il avait fait un contre-Tristan ou une parodie de Tristan, et Jean Frappier a parlé d'une sorte de néo-Tristan, une histoire de Tristan et Iseult qui est peut-être plus heureuse en tout cas. Alors, on ne dispose pas toujours, vous l'aurez remarqué dans cette série, du contexte d'écriture exact des œuvres. On ne sait pas toujours quand elles ont été écrites, par qui, quel était son statut social. Mais quand on a des informations, on aime bien les présenter ici pour les remettre en contexte. Alors le risque, bien sûr, c'est de transformer tout en commentaire social. Et il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, parce que bien sûr, tout n'est pas un commentaire social. Il y a des dimensions littéraires ou poétiques qui ne sont pas directement des critiques ou des légitimations de la société. Mais les histoires d'amour et les combats que Chrétien de Troyes met en scène vont forcément mettre en scène les rôles privilégiés par son époque. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon amant, une bonne amante, un bon guerrier, un bon roi, un bon père, un bon fils? Et quand les attentes qu'on a vis-à-vis de ces rôles changent, forcément le discours littéraire qu'on tient sur eux va changer aussi. Et un grand changement dans l'arrière-plan de Chrétien de Troyes, enfin qui a commencé bien avant lui, mais qui va se manifester dans son œuvre, c'est l'émergence de la chevalerie chrétienne européenne. Notamment bah, dans le contexte des croisades, on est en plein dedans. Jusque-là, on avait des guerriers d'Arthur, on avait ces espèces de colloque de guerriers qui se réunissait autour d'Arthur. On avait déjà vu la table ronde chez Wass, mais c'était pas encore proprement des chevaliers, c'était des princes, des barons, des nobles, si on veut. Et il y avait certainement une idéologie guerrière nobiliaire, peut-être même déjà dans le prototype gallois. Mais c'est là qu'on va vraiment voir les chevaliers de la table ronde. Alors, bien sûr, la chevalerie au sens large a des racines profondes. Hein. Dans l'Antiquité classique, vous aviez à Rome la classe des équites, littéralement les cavaliers, des nobles juste en dessous de la classe patricienne. À Athènes, la cavalerie était aussi l'apanage de l'élite, et il y avait aussi une classe des hippéis, littéralement toujours les cavaliers. Puis les compagnons d'Alexandre, évidemment. Les compagnons d'Alexandre. Et donc, si vous regardez un peu dans toute l'Eurasie, finalement, le fait d'avoir une monture, le fait d'avoir un cheval, c'était le signe d'une élite, et au sens large, disons, d'une aristocratie. Donc ça, ça existait avant. Un archétype jungien, en fait. Et disons, bien sûr, la chevalerie chrétienne reste une construction historique particulière. Bien sûr, il ne faut pas en faire quelque chose de trop particulier non plus. Disons, il y a une version un peu naïve de l'argument qui est de dire « Jésus a dit, il faut tendre l'autre joue, et les chrétiens, c'était tous des bitniques pacifiques pendant 1000 ans. » Et puis, d'un seul coup, il y a Bernard de Clairvaux qui a dit « Écoutez, j'ai trouvé un moyen super pour être des chrétiens et faire la guerre quand même. » Et puis, il aurait inventé les Templiers. Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans les Templiers, des moines soldats. Mais, disons, c'est une attitude qui s'est construite beaucoup plus progressivement. Un des spécialistes de la chevalerie qui l'a assez bien montré, je pense, c'est Jean Flory, dans son livre « L'idéologie du glaive », qui est en fait la première partie de sa thèse. Il nous parle, en fait, de comment on passe des premiers chrétiens qui refusent le service militaire et qui ont des attitudes qui sont vraiment pas très ouvertes à la chose militaire romaine. Puis après Constantin et la conversion de l'Empire, forcément, on a un discours assez différent. On va voir Saint-Augustin qui nous parle de guerre juste. Et finalement, quand on arrive à Charlemagne et aux Carolingiens, on a déjà une longue tradition de guerriers chrétiens et de justification chrétienne de la guerre. Et donc, au 10e, 11e, surtout 12e siècle, on va voir cette chevalerie vraiment s'affirmer. Et donc déjà, dans l'arrière-plan de Geoffrey de Monmouth ou Wass, on avait déjà l'existence de cette caste guerrière chrétienne, de cette société chrétienne en trois ordres. Et finalement, ce qui va être la chevalerie. Donc, ça peut être intéressant de garder en tête ce que Jean Flory appelle justement la préhistoire de la chevalerie. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part, mais d'un autre côté, c'est une construction nouvelle. Et les formes qu'on va voir, donc le vocabulaire, l'équipement, le combat, mais aussi tout ce qui est l'apparat presque sportif, donc les tournois par exemple, ça va être intégré à partir de Chrétien de Troyes dans le mythos arthurien. C'est-à-dire que maintenant, ces choses-là, vous allez voir Gauvin, Perceval, compagnie, toujours faire des tournois, ce qui est une chose de son époque, mais que maintenant, on va garder. C'est aussi quelque chose qui va rester et influencer la conception immédiatement ultérieure de la matière de Bretagne, mais aussi de la notion de chevalerie. L'idée même, dans Thomas Malory, dans le Mortel Arthur, c'est de recréer une chevalerie qui est en train de se perdre pour lui, au début du XVe siècle. Avant lui, des rois comme Édouard III, par exemple, d'Angleterre, construisent délibérément leur entourage de chevaliers, l'ordre de la Jarretière par exemple, the Garter, pour Édouard III, est modelé d'après la table ronde. Édouard III recrée une table ronde et l'a fait suspendre au château de Winchester, il dit qu'il l'a retrouvée. Soit à partir du XIVe siècle, on va avoir consciemment un modelage sur ces sources arthuriennes comme un exemple. Donc elles illustrent à la fois quelque chose de leur époque, elles reprennent et appliquent à la matière de Bretagne quelque chose de très, pas forcément très nouveau, mais quelque chose de très, en tout cas particulier de leur époque, et à leur tour, ça va influencer les lecteurs de ces textes, et ça va influencer la conception qu'on va avoir du chevalier, puisque via Chrétien, il s'est appliqué au chevalier de la table ronde, précisément. Et aussi, oui, c'est le XIIe siècle, mais il faut se rappeler que ce qu'on entend par chevalerie, ça va quand même se perpétuer assez longtemps. Typiquement, Bayard, qui est un peu l'exemple français de la chevalerie, c'est sous François Ier, c'est pas... Et donc oui, cette image et cet imaginaire de la chevalerie va se perpétuer longtemps, alors que la réalité féodale derrière, si on veut, va plus vraiment correspondre à... Dès le XVe siècle, dès la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc, l'époque de Jeanne d'Arc, on est déjà dans une chevalerie qui a largement fait son temps, qui va petit à petit commencer à de plus pouvoir à elle seule gagner des batailles. Ça va plus être, on est loin avec Agincourt par exemple, Azincourt pardon, trop influencé par le Godon. C'est déjà une défaite historique de la chevalerie française face à l'instrument typique, c'est l'arc gallois, l'arc anglais en fait, enfin associé aux archers longs d'Angleterre. Ça va être une défaite petit à petit de la chevalerie en tant que force de guerre principale et en tant qu'influence également, puisque les rois de France, mais aussi d'Angleterre, vont centraliser de plus en plus de pouvoir et vont plus du tout se reposer sur des grands féodaux. Ça, déjà à partir du XIVe siècle, Philippe le Bel déjà réduit la plupart des grands féodaux sous son pouvoir, et ça va être largement le fait de les rares féodaux qui vont subsister vont être des membres immédiats de la famille royale. Donc oui, c'est vrai que là, à partir du 15e siècle, on a vraiment la défaite de la cavalerie n'est plus cet atout à tout faire militaire. Mais c'est pas pour autant que la notion de la chevalerie va disparaître. Hein. Ça reste justement cette image du chevalier, que ce soit le chevalier Bayard, les chevaliers nobles, les héros, mais également, ça va être quelque chose qui va s'appliquer aux mousquetaires au 17e siècle. Ouais. On va appliquer ça à d'autres corps, à la cavalerie, aux cavaleries d'élite à partir du 18e siècle. Il va y avoir une notion qui va différer, mais il y a toujours cette figure du chevalier qui va finalement être réinterprétée parce qu'elle a un certain pouvoir, parce qu'elle est associée avec ses contes héroïques qui vont peut-être connaître un passage à vide à un certain moment, mais qui vont quand même être redits et reprojetés sur chaque génération. Donc cette figure de chevalier, de bon chevalier, de bon guerrier, qui va, ben, comme on le dit ici, survivre à la chevalerie en tant que régime existant de l'organisation militaire. Et largement en raison précisément de ces contes arthuriens, de ces histoires qui vont se perpétuer. De la même façon que l'idée du samouraï japonais a été réinterprétée et réexploitée avec le temps, là, de la même façon, un régime qui disparaît va quand même être maintenu par son image, en fait. Et donc, quand Chrétien de Troyes écrit, c'est entre la deuxième croisade, entre 1147-1149, et la troisième croisade à la fin du XIIe siècle, qui est la croisade. Enfin, en tout cas, pour nous qui avons été élevés avec Age of Empires 2, c'est Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse, c'est Saladin, et Philippe d'Alsace, comte de Flandre, pour qui il écrit le Conte du Graal, ira d'ailleurs mourir en Terre Sainte. Donc il est proche, disons, c'est une réalité pour lui, le fait de partir en croisade, et bien sûr, entre les croisades, il y a des gens qui vont en Terre Sainte et qui en ramènent des choses aussi. Il y a un trafic de reliques, notamment, beaucoup de gens reviennent, ou prétendent revenir de Terre Sainte, de Palestine, avec des reliques liées au Christ, donc on a des reliques de la vraie croix, la relique du Saint-Sang, qui a été apporté à Bruges par Thierry d'Alsace, qui est le père de Philippe d'Alsace, qui a amené une relique du Saint-Sang. Il y a Henri le Libéral qui a offert à la chapelle Saint-Laurent à Provence un morceau de la vraie croix. D'ailleurs, Henri le Libéral est le mari de Marie de Champagne, qui est la comtesse de Champagne, à qui Chrétien dédie, c'est le Lancelot. Hein, ouais. Donc les commanditaires, les gens qui commandent des œuvres de Chrétien, baignent là-dedans. Ils ramènent des reliques, ils dédient des reliques, ils les offrent aux églises, ils vont en Terre Sainte combattre et mourir même. Les croisades, ça fait vraiment partie du quotidien des gens qui vont écrire et lire ces histoires. Ces reliques de Terre Sainte, on les trouve dans le Hérec, justement, il y a un morceau de la vraie croix dans une église qui a des propriétés apparemment magnifiques. Donc ça, c'est pour le contexte historique. Forcément, ça va avoir un certain impact sur comment est-ce qu'on interprète Chrétien, comment est-ce qu'il met en scène la chevalerie, qu'est-ce que c'est une guerre légitime, qu'est-ce que c'est une capture de prisonniers légitimes, qu'est-ce que c'est comment un guerrier doit se comporter, finalement, ce qui a un rôle assez important. Et du côté du contexte littéraire, on a vu au cours du XIIe siècle pas mal d'adaptations de textes antiques. On a eu le roman de Thèbes autour de 1154, qui est donc une adaptation de l'histoire d'Œdipe et de ses descendants, tout le cycle de ses descendants et de ses ancêtres. Le roman d'Énéas, qui est une transcription de l'Énéide. Des adaptations du roman d'Alexandre, par exemple, donc on a un certain revival antique que Chrétien devait connaître. Il fait plusieurs mentions de sujets antiques. En tout cas, il savait lire le latin, parce que plusieurs de ses premiers travaux qu'on a perdus, pour la plupart... Selon lui, hein, ce qu'il dit avoir écrit au début de Cligès, il mentionne d'avoir traduit Ovid, il mentionne d'avoir traduit justement les bouts des Métamorphoses. Bah, on aurait retrouvé le Philomena, qui serait une adaptation d'une histoire des Métamorphoses d'Ovid. Il aurait traduit L'art d'aimer d'Ovid aussi. Mm-hmm. Bah, il y a disons une figure d'auteur sérieux qui aura fait ses armes en traduisant des histoires des textes de référence antiques, et qui maintenant va traduire d'autres textes dont il ne précise pas l'origine. Quand il mentionne une source pour ces histoires, il dit toujours « Ah, ma dame de Champagne, on a donné la matière, on m'a donné le livre. » On ne sait pas à quel degré c'est vrai. Est-ce qu'il s'est basé simplement sur des bouts qui circulaient avec des brutes? Par exemple, le roman de Brut circulait déjà avant. Et dans le roman de Brut, on se rappelle, Boisse mentionne qu'il y a des tas d'histoires qui circulent, qui sont ni tout mensonge ni tout vrai, mais qui ne sont pas des choses aussi fiables que sa vérité, ouais, vraie, que lui, il raconte et qu'il explique. L'Arman, lui, est un peu plus ambigu sur ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des textes qu'on ne peut pas forcément qualifier de romans, parce qu'on ne les connaît pas, mais des textes parallèles au narratif des chroniques qui circulent déjà avant Chrétien. Oui. Donc il est possible, effectivement, qu'il se base soit sur des textes qui sont déjà préexistants en latin, en français, ça semble assez douteux, mais en celte, peut-être en langue celte. il dit à plusieurs reprises qu'il a mis en roman des œuvres. Donc, est-ce que ça veut dire est-ce qu'il les a mis en vers, est-ce qu'il les a mis en français? Donc, c'est assez. On ne sait pas très bien d'où il tire ses sources qui circulent déjà, mais c'est probablement des histoires qui circulent en partie et qu'il dit, en tout cas, il se positionne en tout cas en traducteur et pas tellement en compilateur, mais en traducteur et en traducteur de la vraie version. Oui. Il introduit par exemple le conte d'Erec en disant que c'est un conte que devant trouer ses devant de conte, dépiécer et corrompre suélante s'il qui de conter vivre vuélante. Donc un conte que ceux qui gagnent leur vie, donc la traduction de Poirion, à réciter devant les rois et les grandes, ont pris l'habitude de morceler, de corrompre. Donc c'est une histoire qui circule vraisemblablement déjà. Hein. Donc il y a apparemment il y a des troubadours ou autres qui racontent cette histoire. Il y a des gens qui racontent cette histoire. Il dit voilà, ils la mettent en morceaux, ils en racontent des bouts. Moi je vais vous raconter la vraie histoire dans sa totalité. Comme tu dis, il se présente des fois comme quelqu'un qui récupère, soit qu'il a trouvé un livre quelque part. Bon, comme d'habitude, on ne sait pas s'il s'invente une source ou s'il a vraiment. C'est toujours assez difficile. Est-ce que on doit. Alors, je suis assez partisan de, disons, donner le bénéfice du doute en général dans ces circonstances-là. Mais effectivement, dans certains cas, c'est clairement des positionnements. Après, c'est quelque chose que fait aussi, par exemple, Marie de France, qui écrit plus ou moins, peut-être un peu plus tôt, à peu près à la même époque, en tout cas, que Chrétien, à la fin du XIIe siècle, deuxième moitié du XIIe siècle. Et elle dit, par exemple, quand elle parle de l'ostique, par exemple, qui est l'histoire du rossignol offert par un chevalier à sa dame, bref, ouais. Quand elle introduit le lait de l'ostique, elle dit c'est une histoire dont les Bretons firent un lait. Donc elle implique que ça expliquait déjà dans la culture celte et que ces laits bretons qui circulaient déjà sont passés en français par des gens comme Chrétien ou peut-être par des gens qui les ont traduits en latin, parce que je ne sais pas si Chrétien qui vivait en Champagne, visiblement, ne savait, disons, lire une langue celte, ça me paraît assez douteux quand même, ouais. Mais il y a peut-être eu un intermédiaire latin, effectivement, de la même façon que d'autres sources intègrent sans doute des éléments plus ou moins celtes à leurs histoires, comme Wass et Larman, qui, on ne sait pas d'où ils tirent la table ronde, mais c'est peut-être effectivement une source celte. Donc il y a des histoires qui circulent et qui vont être reprises, et ça en fait certainement partie. L'Enval, par exemple, qui est un lait arthurien de Marie de France, il y a une fée, il y a des éléments qui tendent à pointer vers des éléments celtes, du folklore celte en tout cas. Parce que le lait de l'Enval, par exemple, c'est un chevalier qui est un amant d'une fée et qui est convoité par Guenièvre, c'est-à-dire que Guenièvre essaie d'acquérir son affection, mais il la rejette. On pense un peu déjà, on voit déjà un parallèle avec Lancelot peut-être, donc un chevalier convoité par Guenièvre d'une manière ou d'une autre. Et on sait qu'il y a des histoires qui circulent. Par exemple, on a parlé dans notre deuxième épisode sur les vies de saints, cet épisode de Guenièvre qui est enlevé par Meloas, et on va le retrouver dans son Lancelot. On va voir Guenièvre enlevé par Méléagant. Et donc on sait que cet épisode existait avant. Dans le texte en latin surtout. Dans le texte en latin. Mais là où la vie de saint, je ne sais plus quel saint c'était, Gildas ou un de ses. Probablement ceci. Un de ses compères. Résolvez ça par la négociation. Bah, bien sûr, non, dans Lancelot, il va aller se battre, il va réussir à libérer les habitants là-bas dans un duel contre Méléagant. Non, puis il y a aussi des éléments que ces histoires ressemblent quand même pas mal à une histoire comme Cwllheulwen, par exemple, qui, sur le principe, alors certes beaucoup plus celte, parce qu'elle est, on la connaît que par sa version galloise, mais qui est le seul vrai récit arthurien complet, disons, qui est sur ce modèle, qu'on connaisse avant Geoffrey, avant Chrétien. Donc c'est possible que ce soit une source comme ça, qui ait été traduite d'une façon ou d'une autre, soit en français, soit en latin, soit peut-être en anglais, qui soit arrivée par cet intermédiaire chez Chrétien et qu'il ait donc adapté cette matière. D'autant qu'on le verra après, mais il existe des sources galloises, des textes gallois qui reprennent largement des histoires similaires à celles de Chrétien, Peredur, Geraint pour Erec, et puis Owain, la Dame de la Fontaine pour Yvain. Ce sont des histoires qui sont postérieures à Chrétien, donc on ne sait pas à quel degré elles ont été influencées par Chrétien, mais elles mentionnent des éléments sensiblement différents, surtout le Peredur, par exemple, qui n'a pas le Graal, par exemple, dans la version celte, et qui me font tendre à penser qu'il y a une source commune avec Chrétien, mais pas nécessairement que Chrétien les a influencées. Donc c'est peut-être là qu'on devrait chercher. Alors évidemment, on n'a pas trouvé de source, quoi. C'est des écrits qui sont clairement influencés par l'existence de Chrétien. Enfin, alors s'il y a des éléments. C'est des réécritures et qui contiennent peut-être des éléments plus archaïques. Je suis pas entièrement sûr que ce soit littéralement des réécritures de Chrétien. Je pense qu'ils ont été influencés dans leur style par l'écriture de Chrétien. Mais est-ce que ils ont repris directement des matériaux de Chrétien? Ça me semble assez douteux quand même sur certains. Mon hypothèse fétiche, en tout cas sur le Peredur, c'est que, typiquement une source commune avec Chrétien. Mais on en reparlera peut-être plus quand on parlera de Perceval et Peredur. Dans le contexte littéraire, ce que dit Chrétien, c'est qu'il est largement En tout cas, Chrétien se présente comme tributaire de ses commanditaires, en tout cas. Par exemple, le prologue du Lancelot se dit fait sur la demande de Marie de Champagne, la fille de Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, et qu'elle lui a donné le sujet de cette romance est aussi son sens. Enfin, la matière de cette romance est le sang, c'est-à-dire le sens. Autrement dit, on lui a probablement demandé « J'aimerais bien une histoire de Lancelot et Guenièvre qui irait comme ci, comme ça, et après tu adaptais les détails. » Il nous disait justement dans le prologue du Cligès qu'il avait fait une histoire du roi Marc et d'Isola Blonde, donc probablement l'histoire de Tristan et Iseult, qui est une histoire connue, qui circule, dont on sait que plusieurs versions commencent à apparaître à ce moment-là. Et donc, probablement, quelqu'un lui a dit, tu l'as entendu, cette histoire circule, il faudrait que tu en fasses une version. Oui, parce qu'il mentionne, justement, en plus, l'histoire, dans un détail, il la commande dans Cligès, donc c'est... Il en connaissait suffisamment pour pouvoir en faire un espèce de pastiche dans Cligès. Donc ça semble assez clair qu'effectivement, il y avait une version... Tristan et Iseult, c'est peut-être une des meilleures preuves, disons, mais un des meilleurs indices qu'il y avait des versions pré-chrétiennes qui circulaient, en tout cas en France, basées sur du matériel probablement celte. Bon, en tout cas pré-littéraire, c'est-à-dire... Circulés, qui ont été écrits par plusieurs auteurs, plus ou moins indépendamment, en tout cas. Ce qui semble assez clair, c'est que... Il est cette relation avec ses commanditaires. Philippe d'Alsace, par exemple, à qui le Conte du Graal est dédié, lui a demandé de le faire, selon Chrétien, pour en faire le meilleur conte jamais rimé en cour royale, et il lui a donné le livre sur lequel il se base. Donc il semble, effectivement, qu'en partie, en moyen de circulation pour ces histoires, ce soit justement ces personnes qui ont accès qui peuvent avoir accès à une copie d'un livre préexistant, ou qui ont entendu une version racontée, mais qui en veulent une autre version... Et que ces textes circulent en fait plus par ces nobles qui peuvent faire circuler des versions des livres qu'ils ont commandés et qui ainsi vont influencer d'autres écrivains. Mais c'est possible aussi que d'une certaine façon, typiquement dans le cas de Cligès, Chrétien dit qu'il a trouvé le matériel pour écrire Cligès dans une bibliothèque à Beauvais. Donc il y a aussi une partie effectivement de recherche personnelle qui est en tout cas revendiquée. On n'est pas exactement sûr de quelle source il a. On en reparlera un peu au fur et à mesure. Par exemple. Il réutilise des éléments qui pourraient venir de Wass, mais il a probablement pas Wass sous les yeux quand il lit. Donc c'est pas quelque chose qui a beaucoup de... Tu prends la révolte du baron d'Arthur, probablement que c'est inspiré du motif de Mordred, mais ça peut être un motif qui se balade comme ça, dont les gens sont conscients que ça fait partie de l'histoire, sans que ce soit, disons, sur sa table de chevet. Une autre hypothèse qui est sur le contexte personnel de Chrétien, bon ça c'est une hypothèse un peu, voilà, on peut pas le prouver, parce que comme d'habitude, ce qu'on vous dit là, c'est ce qui est dans le texte, c'est ce qu'il nous dit lui-même sur lui et sur sa démarche. Il y a une hypothèse que Chrétien soit un converti d'origine juive. Alors, Chrétien, on a des exemples. Il semble qu'il y ait des exemples que Chrétien, c'est un nom qui soit souvent adopté par des convertis. Il y a une communauté juive médiévale dans la ville de Troyes, des traces toponymiques, des endroits qui s'appellent la Juiverie, la Brosse aux Juifs. Il y avait une synagogue qui est devenue l'église Saint-Pantaléon, où il y a eu des synodes dans la seconde moitié du XIIe siècle. Dans le Philomena, donc le Philomena, c'est cette adaptation de Vide qui a été retrouvée dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale Française, où ce Chrétien se dit « Ligois », »,« Ligois ». On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On a pu interpréter ça comme « Goy », autrement dit « non-juif », ou alors ça pourrait renvoyer à la ville de Gouet, qui est proche de Troyes. Donc ça pourrait être un signe ou pas de sa conversion. Et on s'en sert aussi, puis là bien sûr c'est un argument assez spécieux, pour expliquer certains passages très antisémites du Conte du Graal. Par exemple, il y a Perceval qui demande à sa mère « Et un moutier, qu'est-ce que c'est ?» lui dit « Fils, c'est exactement ceci, une belle et sainte maison où se trouvent saintes reliques et trésors. On y célèbre le sacrifice de Jésus-Christ, le saint prophète, à qui les juifs ont infligé bien des mauvais traitements. » Donc ça, c'est encore assez standard, c'est « Ah, les juifs ont tué Jésus. » Et il y a un autre passage du Conte du Graal qui dit « Les juifs, rendus cruels par leur jalousie, par leur envie, on devrait les abattre comme des chiens, et ils se firent du mal et à nous du bien, ils firent leur propre malheur et notre bonheur, quand ils ont mis Jésus en croix. » Donc ça, c'est un passage qui dit quand même « On devrait tuer les juifs comme des chiens. » Et certains ont interprété ça comme un zèle de converti, chrétien qui se serait converti au christianisme, qui aurait abandonné ses origines juives et qui en remettrait une couche pour bien montrer qu'il est converti. Maintenant, bien sûr, c'est spécieux parce que l'antisémitisme... La fin du XIIe siècle est particulièrement douloureuse pour la population juive. Un exemple très connu à l'époque, c'est le massacre des juifs d'York, qui sont tous tués dans la tour dans la Clifford's Tower à York, autour de 1190, il me semble. Et c'est un massacre qui est tellement important qu'il est encore, qu'il est commémoré dans toute la communauté juive d'Europe, qu'il est appris partout et tout le monde en est conscient. Donc il y a il y a vraiment un mouvement anti-juif à l'époque aussi, et c'est possible simplement que Chrétien s'inscrive dans une tradition antisémite tout à fait standard. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être antisémite, donc c'est peut-être aussi le côté spécieux de l'argument, parce que bah, là, on n'a pas beaucoup d'infos, donc on essaye d'en déterrer, puis ça, ce serait une hypothèse, mais disons, je pense... Elle a le mérite d'être, disons, elle est plausible. Il y a des éléments qui. Oui, alors après, il y a le fait qu'il y ait une forte présence juive à Troyes, il y a le fait qu'il s'appelle Chrétien, ça peut être aussi un indice. Après, voilà, c'est pas forcément. Non, ça reste du domaine de l'hypothèse qui entre dans certaines explications. Donc, quand on attaquera la question du Graal, parce que Chrétien, c'est lui qui a introduit le motif du Graal et de la quête du Graal dans le Perceval, ça entre en compte dans certaines interprétations du Graal, où la conversion supposée de Chrétien pourrait jouer un rôle dans la scène qui nous présente. Donc ses premières œuvres, on en a parlé un peu. Celles qu'on va aborder maintenant, ce sont ses romances arthuriennes. Il est connu donc pour 5 romances arthuriennes qui nous ont été préservées surtout. Et 5 romances, Eric et Enid, Cligès, et ensuite celles qui sont vraiment les plus connues, Lancelot ou Chevalier de la Charrette, Yvain ou le Chevalier au Lion, et Perceval ou le Comte du Graal, qui sont vraiment ces personnages, vous connaissez probablement leur nom. Alors que les chevaliers qu'on a évoqués avant ça, typiquement Bédiver, aujourd'hui a un statut un peu plus marginal ou presque anecdotique. Sans parler d'Erec et de Cligès, qui sont peut-être les moins... Voilà, ceux qu'on va aborder aujourd'hui ne sont pas les plus aimables. Et comme on va le voir avec Erec, pas forcément des personnages très agréables. Mais on va commencer à vous présenter leurs histoires. Je vous propose d'abord de faire une petite pause musicale, parce que justement, parmi les écrits qu'on a retrouvés de Chrétien sont 2 chansons. Bien sûr, c'est une reconstruction musicale, on a les paroles, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblait alors. Mais c'est une rendition de D'amor schimatolu a moi, une chanson d'amour écrite par Chrétien. Et on vous retrouve juste après ça. Alors on va commencer par vous présenter l'histoire d'Erec et Enid. Erec n'est pas forcément le chevalier arthurien le plus populaire aujourd'hui, mais là c'est le premier auquel, a priori, c'est la première romance chronologiquement que Chrétien a écrit. Avant ça, il faut vous dire que le thème principal, disons, une des tensions principales qui anime les romances de Chrétien de Troyes, c'est la tension qu'il y a pour le héros, pour le chevalier, entre les impératifs qui sont demandés par la chevalerie, par exemple aller avoir des aventures, faire des tournois, prouver sa valeur au combat, et les impératifs amoureux, les devoirs qu'il a envers son amante, envers qui il a une relation. Et Erec, ça va être un des opposés de ses pôles, c'est-à-dire qu'il aime tellement Enid qu'il oublie il ne fait plus de choses chevaleresques, et les gens commencent à commérer sur lui. Yvain, qu'on verra dans notre prochain épisode, c'est l'inverse. Il aime tellement, disons, la chevalerie qu'il néglige son mariage et que sa femme, finalement, le renie. Donc l'histoire d'Erec et Enid commence quand Arthur organise une chasse au cerf blanc le jour de Pâques. Erec n'y participe pas directement, mais il escorte la reine Guenièvre. Et sur le chemin, une des suivantes de la reine est malmenée par un nain qui accompagne un certain Ider. Erec le suit alors pour lui demander justice. Il est fouetté lui aussi par le nain, enfin malmené. Du coup, il les suit pour arriver dans une ville où il rencontre Enid, qui n'est pas encore nommée, et il en tombe amoureux. Le père d'Enid, qui est une sorte de noble un peu déclassé, pauvre comme ça, défavorisé. Un vavasseur, il l'appelle un vavasseur. Oui, un vavasseur... défavorisé. Malgré sa pauvreté, le père d'Enid donne des armes, un équipement militaire à Erek, parce qu'il est parti tellement vite qu'il n'avait pas ses armes. Donc là, il demande des armes. Juste son épée et son cheval. Pour pouvoir se battre. Et il arrive sur la place publique où le Ider, justement, dit « Ma femme est la plus belle, c'est la plus belle de toutes, elle va gagner apparemment cette espèce de tournoi de l'épervier par sa beauté. » Il dit « Non, non, c'est Enid qui est la plus belle. » Erek avance Enid, tout le monde dit « Waouh, elle est super belle. » Tu oses me mettre ma parole en doute. Et alors du coup il s'affronte, il le bat et du coup il remporte le tournoi. Il ramène Enid à la cour du roi Arthur et il peut l'épouser, et c'est là qu'il apprend son nom d'ailleurs. C'est pratique, on révèle son nom au moment, pratiquement à l'hôtel en fait, qui est un thème qui est assez important chez Chrétien, celui du non révélé ou de ne pas révéler son nom. Et dans la suite de son aventure, Erek va lui-même dissimuler son nom et son identité à la plupart des gens qu'il va rencontrer. Donc c'est là qu'on commence à voir aussi la moquerie un peu envers l'histoire de Tristan et Iseut. Par exemple, il nous dit à un moment, cette fois, notre Iseut n'avait pas été enlevé, ni Brangian mis à sa place. Donc il mentionne un peu ses péripéties de l'histoire de Tristan et Iseut, et les gens les mentionnent avec une certaine distance. Ultérieurement, l'histoire de Tristan et Iseut participera de la légende arthurienne comme, disons, comme une histoire comme les autres, mais elle a longtemps eu une certaine distance. Et là, on voit des gens qui la mentionnent comme une tragédie, certes réelle, mais une tragédie dont tout le monde parle et que tout le monde connaît. Bah, dans Cligès, les gens semblent connaître effectivement l'histoire de Tristan et Iseut, puisque Fénice, la dame de Cligès, mentionne qu'elle ne veut pas faire la même chose qu'Iseut et se livrer à deux hommes. Donc, il y a une certaine conscience que soit ce sont des personnages qui interviennent dans le même univers, ou alors ce sont des histoires qui circulent déjà. Une histoire connue pour ces connotations morales. À noter qu'il y a un Tristan qui est mentionné à la cour du roi Arthur, qui est Tristan qui ne rit jamais. Donc on ne sait pas si c'est effectivement le Tristan de l'histoire, mais c'est probablement pas le cas. Mais disons, le nom est en tout cas associé déjà avec la cour d'Arthur. Disons, un des traits centraux de l'histoire de Tristan et Iseut, c'est la fin tragique des deux amants. Et ça, c'est quelque chose que Chrétien n'aime pas. Chrétien, il aime bien les fins où tout finit bien et on se marie, on est couronné. Enfin, tout est résolu, un petit nœud, à part dans Perceval qui n'a pas fini, justement, effectivement. À part le Perceval qui est à part sur de nombreux plans. Et donc, il nous dit que quand les amants ont enfin pu être réunis pour leur nuit de noces, cette fois, le cerf traqué qui a l'aide de soif ne désira jamais autant la fontaine. C'est une image qui vient des psaumes, d'ailleurs. L'épervier affamé ne vola jamais aussi rapidement à l'appel que le chevalier et la jeune fille mirent d'empressement à se jeter dans les bras l'un de l'autre. Oui, il est assez sensuel, c'est assez amusant. Quand il décrit les chevaliers qui... un chevalier et sa dame qui couchent ensemble, il n'est pas spécialement discret, quoi. Il mentionne explicitement qu'ils font l'amour, ouais. Non, il dit. Il n'est pas du tout discret. Ils passèrent la nuit ensemble. Éloignons-nous. Il dit vraiment, ils se sont enserrés dans les bras l'un de l'autre. Ils ont eu. Il dit explicitement là, le baiser fut leur premier jeu, leur amour réciproque. Je prends la traduction de Poirion de la Pléiade de nouveau. Leur amour réciproque rendit la jeune fille plus hardie. Elle ne redouta rien. Elle supporta tout quoi qu'il lui en coûtât. Avant le lever, elle avait perdu le nom de Pucelle. Donc oui, c'est pas tellement. Il est assez explicite, il est assez vindicatif. Et ensuite de ça, Erek reste un an auprès de sa femme. Il nous dit de nouveau, mais hélas, il advint qu'Erek l'aima tant d'amour qu'il ne se soucia plus des armes et négligea les tournois. Il avait perdu le désir de tournoyer. Il ne s'intéressait qu'à faire l'amour à sa femme, dont il avait fait son amie et son amante. Il mettait tous ses soins à l'embrasser et à la baiser. Il ne cherchait point d'autres divertissements. Donc il y a un déséquilibre là. On dit quand même que Erek est un bon... Disons, il a ses gens et il les fournit proprement. Il est généreux avec les gens. Il a quand même des qualités à ce moment-là. Oui, il est fils du roi Lac, l'argent, la réputation. Il traite quand même bien les gens. Il traite en fait très bien tout le monde, mais sauf que sur le plan chevaleresque, de prouver sa valeur et de participer à ses compétitions, il le fait plus du tout. Là, il y a un déséquilibre qui va en fait causer, disons, ce déséquilibre qui va causer la suite de l'aventure. Parce que là, c'était un peu comment ils se sont rencontrés. Et là, justement, ça provoque des murmures, il y a des commérages, des gens qui racontent des rumeurs sur son compte. Enid les entend, elle en vient à se lamenter auprès d'Erek quand il dort. « Ah, pauvre de moi, c'était le meilleur chevalier du monde, mais à cause de moi, maintenant, il fait que de m'aimer. » Elle a l'impression d'avoir caché son talent, puis elle se lamente devant Erek qui se réveille, qui fait « Ah, qu'as-tu donc dit ?» Elle lui répète, elle lui dit « Oui, voilà, j'ai... » Et Erek le prend pas bien du tout. Alors il dit « Bon, ben, si c'est comme ça, on va partir en aventure. » On part en aventure, par contre, ne m'adresse pas la parole. Donc il dit... Il part seulement... Tout le monde essaie de le dissuader, tout le monde lui dit « Non, mais c'était fou, pars avec des gens en moins. » Et lui, il prend juste sa femme sur un cheval et lui dit « Très bien, tu ne dois jamais m'adresser la parole. » À partir de là, le ressort principal de l'histoire, c'est que Erek est un idiot qui fait absolument pas attention à ce qui se passe autour de lui, et que Enid est la seule qui réalise qu'il y a des dangers cartoonesque et caricatural qui les menace, des chevaliers en armes qui arrivent, et elle, à chaque fois elle se dit « Ah oh, mais est-ce que je vais oser avertir Erek alors qu'il m'a interdit de parler ?» Et du coup Erek est pas un personnage très sympathique, parce qu'on se dit, on est vraiment du côté d'Enid, disons sur le point de vue du pathos et du ressenti, le roman est vraiment centré sur les tourments que Enid ressent. C'est elle qui était tourmentée par les commérages qu'elle avait sur son mari, c'est elle qui se lamente là-dessus, c'est elle qui se tourmente quand elle, parce qu'elle ne sait pas si elle doit adresser la parole à Eric. Et chaque fois qu'il lui parle, il dit d'une façon plus caricaturale encore, chaque fois il dit « Ah, la prochaine fois que tu ouvres la bouche, tu vas le regretter, je ne t'aime de moins en moins. » Vous croyez que vous m'avez aidé sur ce point-là, mais ce n'est pas vrai du tout. Et du coup, c'est pas un personnage très sympathique, et on est vraiment... Mais j'imagine qu'on est censé le trouver ses raisons louables si on est, disons, un homme à la cour de Marie de Champagne au XIIe siècle, peut-être, mais enfin... Je pense qu'on a un homme médiéval, oui, c'est clair qu'elle dit plusieurs fois que son mari est également son seigneur et son suzerain, donc il y a une relation d'inféodation entre la femme et le mari, ça c'est clair. Mais c'est vrai que Eric, c'est une espèce de tranche de pain blanc qui fait pas attention à son environnement. Et qui est pourtant un chevalier qui est décrit comme le meilleur de tous les chevaliers ou le deuxième meilleur de tous les chevaliers. C'est un peu une Mary Sue, en fait. Il a pas de caractère. À part justement cette tendance à être méchant avec sa femme, il est. Il a pas trait de caractère. Il est pas. Il échoue jamais, quoi. Il est pas. Il a pas de tourment moral aussi, hein. À chaque fois, dès le moment où on lui dit « Ah, t'es un faible, tu passes ton temps avec ta femme au lit », il part tout de suite à l'aventure et, disons, il tergiverse pas. On n'a pas du tout de questionnement intérieur, comme on peut avoir chez d'autres héros arthuriens, qui sont, où il y a une forme d'introspection. Là, pour le coup, c'est vraiment... Chez Yvain ou chez Lancelot ou chez Perceval, c'est très clair qu'on a une plongée beaucoup plus grande dans l'esprit de ces personnages. On voit beaucoup plus les choses par les yeux. Même Cligès. Parce que là, il nous donne pas trop ça. C'est un bon guerrier, il se bat bien, mais du coup, il enchaîne un peu les périls. D'abord, Eric, et à chaque fois, il y a Enid qui le sauve et il s'énerve un peu jusqu'à leur réconciliation. D'abord, il y a trois chevaliers bandits qui leur arrivent dessus. Enid l'avertit, il dit « Ah, ne me dites rien ». Il les démonte et il prend leurs chevaux. Ensuite, il y a cinq chevaliers bandits qui arrivent. Il les démonte de nouveau, il prend leurs chevaux. À chaque fois, il est fâché qu'Enid lui parle. Et là, il y a un comte malhonnête qui héberge le couple et il désire épouser Enid. Et il lui dit « Ah, je vais tuer votre mari et puis je vous prendrai pour moi et vous serez comtesse avec moi ». Du coup, Enid le convainc « Non, mais attendez, demain matin, vous tuerez mon époux, demain matin sera plus discret, etc. » Et le lendemain, à l'aube, elle réveille Eric et elle lui dit « Allons-y, il a projeté de te tuer ». Et puis il dit « Oh, bon, d'accord, allons-y ». J'aimerais juste préciser que juste avant ça, ils sont arrivés chez l'hôte parce qu'ils sont tombés sur un écuyer qui un écuyer du comte qui apportait à manger aux laboureurs dans les champs. Et puis il y voit l'écuyer qui est gentil a vu qu'ils ont passé la nuit dans la forêt. Il leur dit « Ah, mais vous avez pas dû manger, venez, je vous nourris ». Et en fait, il leur file toute la bouffe qui devait aller aux laboureurs. Et ça m'a beaucoup amusé parce que je me suis imaginé, ils font leur petit pique-nique et après ils les mènent au comte et après ils laissent les chevaux à l'autre. Ils restent pas chez le comte, ils restent chez un autre du village, un bourgeois. Ouais. Il y a une tendance d'ailleurs à ne pas s'héberger les uns chez les autres, j'ai l'impression. Quand ils sont à l'étranger, ils aiment pas tellement aller chez les autres comtes, ils vont plutôt chez un bourgeois local. C'est pareil dans Cligès d'ailleurs. C'est assez amusant, comme si il y avait un. Avant, le Vavasseur était le frère du comte de la ville où ils habitaient. Oui. L'oncle d'Enid, c'était le comte. Et pourtant, l'oncle laissait sa nièce et sa famille, la famille de sa nièce. Taudis, apparemment, on ne sait pas trop. C'est assez intéressant. Il dit que c'est une espèce d'atelier où une fabrique. Il y a les femmes de la famille travaillent là-dedans et quelque chose. Donc il semble pas y avoir une très bonne relation en général entre les comtes et la noblesse chez qui Eric va se balader. Peut-être pour le décrire par opposition, comme lui, il est le fils d'un prince noble, la cour d'Arthur est idéale, mais il va chez des comtes qui sont un peu pas terribles, quoi. Et donc il donne les chevaux à cet hôte qui l'hébergeait, et il part, et puis il y a les troupes du comte qui arrivent, apparemment une centaine de chevaliers, mais c'est trop tard, il est parti, qui les lance sur ses traces, et apparemment Eric ne remarque pas ça, il y a une centaine de chevaliers qui cavalent sur leurs traces, et c'est Enid qui doit se tourmenter pendant plusieurs pages. Est-ce que je l'avertis ou pas ? Oui, dans la vallée, il y a des chevaliers qui nous courent après. Il dit « Ah, bon !» Et il arrive à défaire tous ces chevaliers en blessant notamment le comte au flanc, ce qui lui fait abandonner, et ils peuvent continuer leur aventure. Il combat Eric Guivray le Petit en subissant de nombreuses blessures. C'est ses combats arthuriens. Quand vous avez vu un combat chez Chrétien de Troyes, généralement, vous avez tous vu, ils se désarçonnent l'un l'autre, après ils se tapent dessus jusqu'à ce que leur aume soit cabossé, que leur bouclier lâche, que leur partie d'armure se barre. Bref, ils saignent de partout. Parce que Guivray le Petit, il l'a croisé, puis il a voulu se battre avec lui un peu à la... comme ça, quoi. C'était vraiment un chance encounter, et puis... C'est ça. Il dit, alors comme ça, je tournoie pas assez, et puis il profite de la moindre occasion. Ils pensent mutuellement leur plaie après le combat, après qu'il ait admis sa défaite. Ils rencontrent la cour d'Arthur, ils combattent que incognito, il y a que qui prend le cheval de Gauvin et qui arrive à sa rencontre et qui lui demande son identité, mais il veut pas la décliner. Parce que son bouclier est tout cassé, donc personne voit qui il est. Puis au final, c'est Gauvin qui, par la ruse, arrive à le convaincre de rester à la cour parce que il veut pas s'arrêter. Oui, il veut pas s'arrêter. Donc du coup, Gauvin fait complet. Gauvin retourne à la cour d'Arthur, dit j'ai un truc, bougez-vous le plus loin sur le chemin. Puis il retarde avec le temps que les autres aillent s'installer. Discutant avec, puis Eric qui semble très frustré, mais qui ne semble pas vouloir bouger. Et il dit bon, bah vous me faites perdre du temps. Et puis quand il poursuit sa route, il retombe de nouveau sur les tentes du roi Arthur. Et là, il est convaincu de révéler son identité, de rester pour la nuit. C'est assez intéressant, on dit qu'on lui donne un onguent qui soigne à la fois les os et les nerfs, qui a été fait par la sœur du roi Arthur, Morgue ou Morgane du Val Périlleux apparemment, et on refait ses bandages. Après ça, il sauve Cadoc de Cabruel de deux géants qu'il menaçait, l'un en plantant une lance dans son œil, et il coupe l'autre en deux verticalement, donc c'est quand même assez graphique. Et il lui dit pas son nom, mais il dit « Ah, allez dire à Arthur que je vous ai sauvé ». Il l'envoie à la cour d'Arthur pour dire qu'il l'a sauvé. Donc on a quand même le thème du chevalier errant, c'est-à-dire qu'on comprend pas vraiment pourquoi il part, il a pas vraiment de but, il se balade et il fait un peu toutes les aventures qu'il rencontre, jusqu'à plus soif en fait. Donc il fait ça, il envoie des gens à la cour, c'est un motif qu'on va retrouver chez les autres chevaliers, même si, disons, qu'on va peut-être retrouver chez... Enfin, tu vois, Lancelot a plus un objectif plus focalisé, mais qu'on va retrouver dans d'autres romances. Ensuite, à cause de la chaleur, il y a ses plaies qui se rouvrent, enfin, il transpire, il saigne, voilà, et il s'évanouit à cause de la perte de sang. Il y a un autre comte malhonnête qui veut épouser Enid, qui les recueille. À ce moment-là, Eric, tout le monde croit qu'il est mort. On le met sur une civière, puis on le laisse sur la table pendant le festin. Puis parce que le comte arrive pour sauver Enid, qui est en train de qu'Eric est mort et qu'elle va se suicider. Elle va se suicider, donc elle prend l'épée de Eric, elle est sur le point de se planter, puis là, le comte arrive et l'interrompt. Donc, un motif assez, Chrétien aime bien mettre des motifs tragiques, mais il aime bien les interrompre aussi. Il aime bien qu'il n'y ait pas trop de boucherie, disons. Cette fin à la Roméo et Juliette où l'amant se tue parce qu'il croit que son amant... Il n'aime pas ça, il n'est pas très... Il n'aime pas trop ça, et en fait c'est assez proche de ce que dit Aristote dans la Poétique, c'est qu'une tragédie, t'as pas besoin que la fin soit triste. C'est-à-dire que, aujourd'hui bien sûr, oui, depuis au moins je pense Donna, la tragédie se codifie comme quelque chose qui a une fin avec des morts tragiques à la fin de tout le monde, mais Aristote disait lui que il n'y a pas besoin, tu peux avoir une tension énorme et une résolution où la tension se relâche, mais il suffit que quelqu'un a été sur le point de tuer quelqu'un de sa famille, par exemple, pour que ça compte comme une tragédie. Donc peut-être aussi que Chrétien, qui est peut-être familier avec ce genre de code, joue un peu avec et se dit « Ah, j'ai pas envie de faire une histoire triste ». Donc Eric est posé sur une civière pendant le festin, qui fait en fait le mariage d'Enid, parce qu'elle est mariée de force au comte, on amène un peu tous les fonctionnaires nécessaires, on fait ça malgré ses protestations, elle est mariée de force, et elle veut pas manger pendant le festin, alors le comte la frappe au visage, et ça soulève les protestations de la cour, enfin quand même tu peux pas frapper une femme parce qu'elle veut pas manger. Elle crie alors qu'elle refusera toujours les avances du comte, pour toujours, et il la frappe à nouveau. Et là, il y a Eric qui se réveille, tout le monde panique parce qu'il croit qu'il est ressuscité. Eric, il voit ça, que Enid est frappée par le comte, il fend le crâne du comte d'un coup d'épée, et ils partent les deux dans la panique parce que tout le monde apparemment a l'air de croire qu'Eric est une espèce de diable ressuscité des morts. Guivray, qui entre-temps a appris que le comte avait kidnappé Enid et pris Eric avec dans le château, a mené parce qu'on lui a dit, je crois, on a vu une femme, le comte a pris une femme aussi belle, plus belle encore que Iseut. Et Enid est régulièrement décrite comme justement la plus belle de toutes les femmes. Je crois que c'est la plus belle canoniquement de toutes les femmes arthuriennes parce qu'elle est plus belle encore qu'Iseut. Et donc Guivray vient avec une armée d'amis et de chevaliers à la rescousse. Puis en fait, il tombe juste sur Eric et Enid qui viennent de s'échapper. Et il les recueille et il soigne Eric justement. Et ils vont ensuite vers une aventure un peu plus. L'aventure conclusive en fait de cette histoire. La joie de la cour, en fait, ils vont à Brandigan auprès du roi Évrin. Bon, c'est pas très important, les protagonistes. Mais on arrive et puis on dirait « Oh, j'espère que vous n'êtes pas venu pour faire l'aventure de la joie de la cour. » Mais c'est quoi la joie de la cour? N'essayez pas d'apprendre. C'est un peu... Les gens essaient de l'introduire et de le décourager. L'impression qu'ils avaient un point d'exclamation jaune sur la tête. Un mot là, j'espère que vous n'êtes pas venu pour faire cette quête que je vais évidemment vous donner. Non, ils essaient de le décourager, mais ils persistent. Ils disent « Ah, je veux faire cette aventure de la joie de la cour. » Mais ils disent « Personne ne revient vivant. » Et ils disent « Ah, c'est mon domaine, c'est pour moi, c'est mon truc. » Ce sera difficile, non, impossible. Difficile serait pour vous un jour, la mission impossible. T'as Tom Cruise qui va faire. Et il l'amène à un jardin merveilleux, donc littéralement dans le sens merveilleux classique, il y a quelque chose De panette qui se produit. C'est un jardin qui est entouré d'un mur d'air impénétrable, donc un mur invisible autour, qui n'a qu'une seule entrée, donc il y a une porte invisible, vous pouvez pas la trouver. Il y a des arbres pleins de fruits, des oiseaux exotiques étranges, et on peut pas les faire sortir apparemment. Si vous essayez de faire sortir les fruits, vous n'arrivez pas à retrouver la porte du jardin. Donc un jardin merveilleux. Il y trouve une série de pieux couverts de haumes, donc des casques posés sur des pieux, sauf un sur lequel il y a un corps. Il y a un chevalier qui arrive et il se trouve qu'il y a un chevalier qui est prisonnier de ce jardin et qui est obligé de combattre tous ceux qui viennent. Il apprend que ces casques appartenaient à ses victimes, donc les gens qui ont tenté l'aventure avant lui. Donc il y a vraiment cette série de casques. Ce chevalier est condamné à combattre tous les visiteurs du jardin jusqu'à ce qu'il soit vaincu à cause d'une promesse que sa femme lui a arrachée par amour. Erek le bat et il arrive à sonner le corps, ce qui lève cette espèce de malédiction. Et qui déclenche la joie de la cour, parce que la cour est contente de revoir ce chevalier et de plus avoir une espèce de... Sa dame, en plus, elle est contente de l'avoir aussi. Elle n'est pas déçue qu'il s'est impliqué. Je crois qu'il a peur que sa dame le renie, mais en fait, non. Mais en fait, non. Tout le monde est heureux. Elle est contente de le revoir. Quoi. Donc voilà, c'était un malentendu. Une fois l'aventure de la joie de la cour terminée, ils retournent à la cour d'Arthur, où ils apprennent que le roi Lac est mort, le père d'Erek. Donc, une fois qu'ils ont été couronnés, parce qu'ils demandent au roi Arthur de les couronner roi et reine, et ils retournent au royaume d'Erek pour vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et il y a une espèce de grande fête de leur couronnement à la fin, qui est le lieu de quelques autres descriptions de ces rassemblements arthuriens. Voilà, des milliers de chevaliers, on leur donne les meilleures montures et les meilleurs équipements. Oui, il y a des listes, il y a beaucoup de listes dans Erek et Enid, c'est justement des thèmes, je pense qu'on peut revenir dessus d'ailleurs, c'est un des thèmes réguliers. Revenons un peu sur les éléments de l'histoire qui ont été développés, oui. Les relations amoureuses sont clairement des thèmes centraux de l'histoire. Erek et Enid, leur relation reste très asymétrique, mais disons, après qu'ils soient échappés du deuxième conte malhonnête, il y a une certaine réconciliation, et disons, Erek reconnaît que leur collaboration est finalement idéale. Il y a cette tension du coup entre les impératifs imposés par la chevalerie et les impératifs de l'amour. Au départ, Erek se consacre trop à l'amour et ne fait plus du tout d'aventure. Ensuite, il se consacre trop à l'aventure au point qu'il veut même plus parler à Enid, donc il y a vraiment ce deuxième déséquilibre. Puis à la réconciliation qui serait un peu la version harmonieuse où ils arrivent à collaborer l'un avec l'autre. Et disons, on a plein d'exemples de mauvaise chevalerie et de mauvaises relations amoureuses au cours de cette histoire. Vous avez les contes qui veulent forcer Enid d'aller marier, bon ça c'est une relation assez négative. Vous avez les brigands qui attaquent Erek pour leur profit, alors que Erek est désintéressé, il prend leur cheval et il les donne après à son hôte. On voit vraiment des miroirs. Et disons, la joie de la cour, c'est, je dirais, le résumé de tout ce que Erek n'est pas. C'est un chevalier qui tue des types de façon complètement insensée pour rien, parce qu'il a fait une promesse et qu'il est complètement inféodé à sa dame. Et l'idée, c'est Erek, au contraire, lui, c'est la bonne relation équilibrée où ils arrivent à concilier les deux. Oui, puis c'est justement cette relation positive qui doit être atteinte. C'est pas quelque chose qui va de soi. Le chevalier, même un grand chevalier, un brave chevalier comme Erek, qui est comme le second, il est le second après Gauvin, qui est le premier chevalier d'Arthur, selon la liste faite au début du conte. Une notion que même lui, il ne peut pas atteindre cet équilibre parfaitement comme ça, quoi. Il n'est pas si idéal que ça. Tout le monde doit faire un effort, tout le monde doit comprendre l'autre. Voilà. C'est vraiment un message assez d'éducation, finalement. Hein. C'est quelque chose qu'on trouve régulièrement chez Chrétien. C'est des contes qui doivent aussi être lus comme des exemples à suivre et des indications du bon comportement. Dans les thèmes qu'on voit, on a cette question du non révélé qui devient crucial à plusieurs moments. Erek qui ne veut pas donner son identité, c'est un thème qu'on va revoir. Le chevalier errant, c'est-à-dire Erek, il a pas vraiment de but, il part et il se dit je vais faire des aventures. Donc on a déjà cet exemple du chevalier qui se barre en quête de challenge, si on veut, qui le mette à l'épreuve. Le chevalier condamné à combattre dans un jardin à cause d'un serment et qui est libéré quand il est battu, ça c'est un motif qu'on va retrouver en tout cas, je crois dans le conte du Graal, il y a Gauvin qui en bat un. À cause d'une promesse qu'il a fait à sa dame, de nouveau, il est condamné à battre tous les gens qui viennent dans un certain jardin. Il y a le thème on a vu ces concours de beauté, donc au départ, il y a la chasse au cerf blanc et Arthur, je crois on l'a pas dit, doit donner un baiser à la plus belle femme et du coup, il y a Gauvin qui lui dit écoute, ça va créer, les gens vont commencer à se taper dessus parce que ils veulent. Non mais c'est ça, littéralement le début c'est Arthur qui veut aller à la chasse au cerf blanc puis Gauvin lui dit mais ça sert, faut qu'on arrête de faire des chasses au cerf blanc parce que chaque fois que ça arrive, il y a une guerre parce que tous les chevaliers croient que leur dame c'est la plus belle donc ils se battent entre eux. Pour que tu leur donnes le baiser et puis du coup quand Enid arrive, elle est tellement belle que tout le monde dit bon ok il y a pas de compétition. Oui parce que Erek qui est allé poursuivre le nain et le chevalier et la dame. On a essayé de suspendre. On a dit, Guenièvre, qui entre-temps est rentrée une fois que le sort blanc a été pris, elle a dit oh, mais on peut pas juger de qui est la plus belle tant qu'Erek est pas là, parce que bah, Erek c'est un bon chevalier. C'est déjà un indice déjà. Il est pas allé chasser le cerf avec les autres, il est resté en retrait avec Guenièvre et ses suivantes. Mm-hmm. Donc c'est peut-être aussi un indice qu'à la base, qui déclenche l'aventure, c'est peut-être qu'il est pas aussi courageux que les autres, mais finalement c'est quelque chose qui amène quelque chose de positif puisqu'il va rentrer une île comme ça. Donc c'est aussi une dimension effectivement du concours de beauté, de qui est la plus belle dame, qu'on retrouve peut-être moins typiquement dans Cligès, même si les dames Sordamore, qui est la mère de Cligès, bon, elles restent très belles. Mais là c'est vraiment over the top quoi. Enid c'est la plus belle. Elle a beau être en guenille, c'est la plus belle. Elle a même pas besoin de porter une belle robe parce qu'elle est tellement belle que même dans une chemise de toute moche, elle est la plus belle sans effort. Ouais. Il y a justement on peut parler un peu du caractère d'Arthur. Je trouve très drôle parce que justement Gauvin lui dit ça va créer une dispute et Arthur dit ouais mais tant que ça met pas en cause mon honneur ou ma justice ça m'intéresse pas. Genre il a l'air de dire, il dit clairement s'il y a pas de faute de ma part, même si ça crée du désordre, écoute je m'en fiche un peu. Il est très mélancolique dans cette histoire Arthur. Il est pas si mélancolique que ça. C'est quand même pas un Arthur aussi inactif que il peut l'être dans certains contes arthuriens plus tardifs. C'est pas, on est plus non plus dans la dimension du jeune Arthur bouillant qu'on a vu dans, qu'on peut voir après, qu'on verra dans des textes du XIVe siècle comme Gauvin le Chevalier Vert, mais on n'est pas non plus dans une dimension où Arthur est le vieux blasé qui va rester à sa cour et rien faire. Là, c'est clairement lui qui veut aller faire la chasse au cerf blanc, donc il a quand même une dimension. Il y a comme un indice que c'est pas quelque chose qui se passe dans une époque tardive, disons, de la cour d'Arthur. Ouais, mais il y a quand même, si on prend une série comme Camelot où on a Arthur qui est clairement pratiquement dépressif en fait. Ouais. Là, on a quand même cette dimension qui est déjà là. On dit, ils arrivaient devant le château, on leur avait dit que séjournait le roi Arthur, ça c'est vers la fin justement. On avait saigné le roi la veille, ce qui sous-entend quand même un déséquilibre des humeurs. Celui-ci se sentait déprimé car en tout et partout, en privé et dans ses chambres, il n'avait que 500 barons de sa maison avec lui. Alors là, il a que 500 personnes avec lui. Il était triste de ne pas avoir plus de gens à sa cour, jamais en aucune saison il ne s'était senti aussi seul. Donc on a quand même un Arthur qui est très mélancolique, je trouve, dans ce... C'est vrai, il est pas... Il attend que ses chevaliers lui amènent des aventures pour qu'on s'amuse, il veut aller à la chasse parce qu'il a l'air de... presque de s'ennuyer, en fait. Il est un peu... Voilà, mais j'en ai pas non plus dans Arthur seul dans sa salle du trône qui fait rien, quoi. Hein. Non, non. Il veut clairement chercher l'action, quoi. Donc, d'ailleurs, il se balade, hein. Oui, c'est quelque chose qui... Il est pas enfermé à Camelot ou... Dieu sait. Mais effectivement, on voit ces listes de barons qui sont souvent listées. C'est quelque chose qui est pas régulier chez Chrétien, je trouve. C'est quelque chose qu'on voit surtout, justement, à la base chez Geoffrey, mais chez Wace et Larman aussi. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, hérité de cette tradition galloise de faire des listes d'à peu près tout. Ouais. Ça évoque pour moi la longue liste des chevaliers. On peut peut-être vite en citer quelques-uns. Il y en a qui sont assez amusants, justement. Oui, pendant le mariage d'Erek et Enid, il y a plein de guerriers qui viennent et on a des... Quand il arrive avec Enid, justement, donc il dit qu'il va faire la liste de ceux de la table ronde qui les meilleurs furent du monde. Devant toutes les bonnes chevalières, doit être Gauvin le premier, donc doit être Gauvin le premier. Les secondes, Erek, les fils de Lac, donc Erek, fils de Lac, notre héros. Et les tiers, Lancelot du Lac, donc Lancelot est déjà présent. Gornement de Groot fut Quartz, donc Gornement de Groot qui est le quatrième, qui est le mentor de Perceval après dans le Conte du Graal. Et les coins dessus, les Beaucoir, le Beaucoir, le cinquième, le sixième, le Léhardi, le septième, Mélian d'Ulysse. Donc un top 10 des chevaliers. Le huitième, Mauduit le Sage, le neuvième, Dodinel le Sauvage, et Gandelu le dixième, un chevalier aux multiples qualités. Puis après, il fait toute une liste avec les quatre Yvains. Yvain, le fils d'Urien, le Bâtard, de l'ONL et de Cavalio, donc il y a quatre Yvains. Ouais. Un Tristan qui n'a jamais ri, qu'on a mentionné avant. Caradoc au Courbras. Queue d'Estros, il y a aussi le fils de Queue, Gronosis, qui est un homme maléfique, comme son père finalement. Et c'est assez intéressant, juste avant Sagremor le démesuré, Sagremor le distrées, on mentionne Loholtz, Lifitz, le roi Arthur. Le fils d'Arthur. Donc c'est Loholtz qui est Lachau dans certaines versions celtes, ou Amr dans d'autres. C'est pas encore, il n'a pas encore disparu comme il le fera. Après, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve il existe dans le Père Lesvos, hein, l'Holt. Donc, c'est quelque chose qui est déjà présent chez Chrétien, encore présent chez Chrétien, devrait-on dire. Il y a des personnages assez intéressants. Il y a un certain Moloas, puissant baron et seigneur de l'île Noire, ou de l'île de Verre, plutôt de l'île de Verre, où l'on n'entend jamais le tonnerre, où l'on ne voit jamais la foudre ou la tempête, où il ne fait jamais trop froid ni trop chaud, où l'hiver n'existe pas, où enfin les crapauds et les serpents ne se rencontrent jamais. Donc cette tradition probablement galloise d'île merveilleuse ou d'île idéale. Où je me suis demandé, alors il mentionne après un roi de Cork, mais je me suis demandé si cette île où il n'y avait pas de serpents, ça ne serait pas l'Irlande, mais enfin... Ça me fait penser à ça, en tout cas. C'est vrai que c'est possible. C'est aussi, il est associé aussi avec Méléagant, hein, par certains chercheurs comme Loomis, vu que vert, ce serait gore. Ouais. Ouais. V, G, c'est assez proche. Et Meheloas, ce serait Méléagant. À noter aussi qu'il mentionne Guillemer, le frère de Grélemier de Finn Poterne, qui est seigneur de l'île d'Avalon, et qui nous dit Guillemer, ses frères vivant, de l'île Avalon fussir, de Sestui avant ouï dire qu'il fut sa miss Morgan la fée, si ce fut vérité de se prouver. Donc il est l'ami ou l'amant de la fée Morgane. Donc on a la fée Morgane qui est ici. Alors la fée Morgane est une sœur d'Arthur. Elle a deux faits principalement mentionnés dans Erec. Le premier, c'est qu'elle, elle, c'est elle qui fait l'onguent qui soigne les os et les nerfs de Erec. Donc elle fait un onguent, pas forcément magique, mais en tout cas très efficace. Guérisseur en tout cas. Et elle fabrique aussi, il y a un épisode perdu où elle aurait fait un tissu magnifique qui a ensuite été subtilisé par Guenièvre et transformé en une chasuble pour une église. Alors on ne sait pas exactement si elle ne voulait pas en faire une chasuble, mais ça sous-entend qu'il y a quand même eu une ruse pour la rediriger ce tissu vers sa destination ecclésiastique. En tout cas, c'est la sœur du roi Arthur, mais c'est pas la mère de Gauvin, parce qu'elle est jamais mentionnée, a priori, elle est pas mentionnée en contexte quand on parle de Gauvin, on dit juste que c'est son neveu, et ils sont jamais mentionnés côte à côte, en fait. Donc il y aurait, elle, une sœur supplémentaire qui serait. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement d'assez longue date. C'est Mallory qui fait une distinction entre Morgoth, Morgane. Et d'autres parce qu'il comprend rien, mais voilà, Chrétien, il a des arbres généalogiques assez élastiques, comme on va le voir dans le Cligès, il rajoute les branchements qu'il a besoin, et c'est assez courant que d'un seul coup tout le monde soit cousin ou tout le monde soit nièce, neveu, ou qu'on rencontre des parents un peu partout pour si ça peut ajouter un peu de drame avec des arbres généalogiques du coup élastiques. Comme autre personnage qu'on trouve, pas mal de chevaliers qui vont être mentionnés plus tard, notamment l'orgueilleux de la lande qui sera défait par... Il y a Lancelot typiquement, hein, Gauvin qui est toujours un peu ce personnage de... Gauvin qui est le numéro 1. Gauvin et Queux qui sont en fait les personnages un peu réguliers de la cour, ouais. Avec Guenièvre et Arthur, ils n'ont pas d'aventure à eux parce qu'ils sont justement ces aventures... Gauvin c'est l'étalon un peu de la... C'est un peu le leader incontesté en termes de force chevaleresque, et la part la plus importante qu'il a c'est dans le Conte du Graal, mais sinon on part toujours un peu du principe que c'est lui le meilleur. Mais c'est intéressant parce que c'est encore lui le meilleur. Après, la tradition française va faire de Gauvin un chevalier qui n'est pas justement le chevalier idéal, parce que ça, ce rang de chevalier idéal, ça va revenir plutôt à Lancelot, éventuellement à Perceval, ou à Galahad, surtout, alors que dans la tradition anglaise, jusqu'à assez tardivement, Gauvin reste le chevalier par excellence. Peut-être parce qu'il n'est pas français, justement, comme Lancelot et Perceval pourront être perçus, mais en tout cas, il est encore au début chez Chrétien le plus héroïque, alors qu'après il va commencer à prendre des caractéristiques un peu plus qui sont d'habitude attribuées par exemple à Queux, d'être un peu arrogant, d'être un peu trop sûr de lui, alors que là pour le coup il est encore le cheval numéro 1, le plus honnête, le plus... arrogant dans certains textes ça va aller jusqu'à le fait qu'il déclenche des vendettas ou qu'il massacre des chevaliers impunément, alors que là il est quand même encore le cheval idéal, c'est Queux qui justement prend son cheval pour faire foutre la merde avec avec Erec, alors que quand Gauvin arrive, lui il résout tout avec sa langue d'argent, il est si parfait. Donc il a essayé de classer les livres, les romans de Chrétien un peu chronologiquement, on pourrait estimer qu'effectivement Yvain et Lancelot se sont peut-être déjà déroulés, que Erec intervient après, et que le plus tardif, en tout cas après Erec Cligès, qui invoque, on va le voir, parce qu'il passe sur deux générations, il passe sur la génération d'après encore Gauvin, mais surtout Perceval serait un peu l'entre-deux, quoi, parce que là Perceval n'apparaît pas encore dans la liste des chevaliers, et on pourrait penser qu'il y serait mentionné au moins une fois, ouais. Il sera mentionné dans Cligès, d'ailleurs Cligès l'affronte, c'est pour ça que Cligès je pense est vraiment le dernier, et que Perceval est peut-être antérieur. En tout cas Erec semble peindre le portrait d'une cour d'Arthur un peu à mi-chemin, quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas celui-là qu'on va se rappeler avec le plus, disons, d'affection? C'est pas généralement celui qui est considéré le plus abouti ou le plus intéressant, ou en tout cas le plus innovant. Une dernière chose que je voudrais renoter quand même, c'est la relique de la vraie croix, qui est mentionnée après le mariage d'Erec et Enide. Une croix entièrement en or fin qui appartenait jadis à Constantin, elle contenait une parcelle de la vraie croix sur laquelle notre Seigneur a été crucifié et supplicié. C'est lui qui nous a délivrés de la prison où nous étions tenus à cause du péché que jadis Adam fit sur le conseil du malin. Et on dit que sur cette croix il y a des pierres précieuses et qu'elle brille d'un tel éclat la nuit que l'on se serait cru en plein jour lorsque le soleil du matin luit. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, il fut inutile d'allumer les lampes, les cierges ou les chandeliers pour éclairer l'église. Donc des pierres magiques qui éclairent toute une église en permanence. Cette idée d'un objet saint qui rend les chandelles inutiles, disons, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la procession du Graal et qui ajoute une certaine, disons, un certain poids à une interprétation chrétienne ou en tout cas christianisée du Graal. Donc ça, c'est peut-être gardé en mémoire pour nos prochains épisodes. Sinon, encore une chose à mentionner, peut-être c'est nos éditions. Si vous voulez lire EREC, il y a une édition la plus... disons, l'édition en vieux français la plus accessible sera celle des Lettres gothiques, qui contient donc le texte, ici une traduction en vers à côté, qui a été éditée et traduite par Jean-Marie Fritz. Elle se base largement, non pas sur la copie de Guillot, qui est la plus courante pour les éditions savantes, mais sur une copie bourguignonne un peu plus tardive, qui s'éloigne un peu, qui n'est pas aussi parfaite que celle de Guillot, mais qui contient plus de matériel et qui semble être plus, disons, proche de l'original sur certains aspects, notamment sur ces listes de chevaliers qui sont plus longues que dans l'édition, que les éditions basées sur Guillot. Moi, j'utilise cette version dans sa collection, parce qu'elle existe dans les Lettres gothiques, mais le livre de poche a publié aussi une série qui s'appelle Les Classiques modernes, qui sont en gros des espèces de mini-pléiades, plus accessibles en prix que la pléiade, pour une vingtaine de francs ou quelque chose comme ça. Vous avez les offres complètes d'un auteur ou d'un autre, et en l'occurrence, ils ont fait les romans de Chrétien de Troyes, qui sont, auxquels on trouve également les chansons et, de Chrétien et le Philoména, donc ça partie d'une traduction de Vide, en tout cas, dans la collection La Pochothèque, qui est donc sur papier bible, un peu style Pléiade. Si vous voulez investir dans un... qui ne contient pas autant de matériel, autant de détails sur les... une introduction moins longue peut-être que chaque livre de la collection Lettres gothiques, mais si vous voulez investir dans une petite édition avec tous les romans, et si vous voulez une traduction en vers, c'est peut-être la meilleure option. Oui, parce que là, c'est une traduction, du coup, vous avez deux colonnes, une colonne des vers originaux, et puis la traduction voilà, vis-à-vis... plus ou moins ligne par ligne. Tandis que moi, j'ai utilisé plutôt l'édition Poirion à la Pléiade, que je trouve très pratique. J'aime pas forcément la Pléiade, mais là, c'est une que je trouve très aboutie. Vous avez en fait le texte en page normale, et au bas de la page, sur deux colonnes, vous avez le texte original. Donc je trouve très pratique pour lire, pour retrouver... Si vous préférez lire de la prose, effectivement, c'est un peu meilleur. Je trouve très harmonieux. L'édition qu'il a utilisée pour EREC est un peu plus sobre, il n'y a pas autant de variantes et les listes de chevaliers justement sont beaucoup plus courtes. Mais ça, de toute façon, bon, c'est impossible de résumer des traductions manuscrites, il faut faire des choix. Mais pour, en tout cas, que ce soit ça, c'est tout de suite dans une classe différente parce que c'est 70€ la Pléiade contre 20€ pour l'édition du livre de poche. Voilà. Maintenant, si vous voulez une édition complète de Chrétien de Troyes, ce qui est quand même pratique de tout avoir dans un coin, celle du livre de poche est un peu plus accessible. Mais elle ne contient pas toutes les œuvres potentielles de Chrétien. Voilà. Et celle de la Pléiade contient aussi le Guillaume d'Angleterre qui lui a été attribué, mais qui est bon, très disputé. Mais aussi les chansons et le Philoména. Si vous voulez les romans de la table ronde de Chrétien sans l'original, parce que vous voulez peut-être les lire en prose, mais vous n'avez pas envie d'investir dans une édition qui a aussi l'original en vieux français, le livre de poche a également dans ses classiques les romans juste en prose, les classiques de poche, tout ce qui est plus classique, donc pas Lettres gothiques. Juste une adaptation moderne. Voilà, juste une traduction. Et il doit aussi y avoir une version comme ça chez Folio. Ce sera probablement les plus accessibles et les plus plates aussi, les moins lourdes à transporter, parce que même en papier bible, les 1200 pages de la poche de texte, c'est quand même un peu, ça pèse un peu son poids. La Pléiade est peut-être un peu plus légère, je sais pas, de ce point de vue-là. Mais oui, les deux éditions se valent. Je pense que si c'est une question de si vous préférez lire de la prose ou du vers. Moi, j'aime bien lire le vers, parce que surtout pour Chrétien, ça préserve un peu de la magie, enfin de son langage. Mais donc tous ces commentaires s'appliquent évidemment à tous ceux qu'on va vous présenter puisque ces éditions continuer à utiliser celle-ci. Ce sont un peu les deux plus accessibles. Après, ni l'un ni l'autre, nous sommes des spécialistes de littérature française. Voilà. Donc là, on parle vraiment en amateur. C'est vraiment comment est-ce qu'on a ressenti ça pour les lire et les posséder et y revenir. Comment est-ce qu'on l'a ressenti. Donc je pense, d'une certaine manière, c'est aussi plus proche de l'expérience de vous. Du lecteur lambda, disons. Du lecteur lambda, si vous n'êtes pas spécialiste. Je vous propose de nouveau une pause musicale des vers de Chrétien mis en musique. À nouveau, avant qu'on attaque le Cligès qui va cette fois-ci nous emmener plutôt du côté de l'est de la Méditerranée. Par qui suis-je en la voyant tresse? Ok, alors Cligès, finalement, on va peut-être pas aller autant en détail, parce que c'est une histoire qui est étrangement compressée. Comme on a deux générations, d'abord Alexandre, qui est un byzantin héritier de l'empereur, qui vient se faire adouber à la cour d'Arthur, puis après l'histoire de son fils, bah, il y a très peu de place pour l'histoire vraiment de Cligès, en fait. Donc ça commence, le premier tiers, par en fait de ses parents, Alexandre, le fils de l'empereur byzantin, qui part en Bretagne pour devenir un chevalier, on essaie de le dissuader, mais il dit non, la cour d'Arthur, c'est le seul endroit où je veux être adoubé. Et lui, là-bas, rencontre Sœur d'Amor, une sœur de Gauvin. Donc, il n'a pas été chercher très loin. C'est une sœur de Gauvin dans une relation amoureuse. Elle s'appelle Sœur d'Amour. Voilà, c'est pas... Et ils sont sur un bateau. Ils tombent amoureux, comme Tristan et Iseult. Et ils tombent instantanément amoureux l'un de l'autre. Sœur d'Amour a cousu un de ses cheveux dans une tunique brodée d'or qui lui a été offerte. Et sa blondeur est tellement éclatante que l'or ternit, mais que son cheveu ne ternit pas. Il reste éclatant. Et d'ailleurs, il le remarque. Et c'est Guenièvre qui, en fait, les met ensemble un peu. C'est Guenièvre qui va les pairer. Alors, bon, le début, c'est qu'Arthur part en Bretagne continentale en laissant le royaume à son plus fidèle vassal, ce qui est pas bon. On peut questionner le jugement d'Arthur, en Grèce de Windsor, qu'il trahit instantanément. Arthur met le pied en Bretagne continentale, il y a un messager qui arrive et qui lui dit sire, votre vassal s'est retourné contre vous et a pris le pouvoir. Il dit bon bah demi-tour, on n'a pas le temps de faire le tournoi, il rentre en Angleterre le combattre. En Grèce et ses proches sont réfugiés dans une forteresse, elle est assiégée. Alexandre et ses 12 compagnons grecs qui étaient venus se faire adouber par Arthur prennent les armes de chevalier ennemi pour entrer par ruse dans la forteresse. Donc ils entrent par traîtrise dedans. Là, ils attaquent les traîtres désarmés, ils précisent qu'ils les prennent par surprise et qu'ils sont désarmés, c'est pas très chevaleresque. Ils les capturent, et Arthur offre une coupe précieuse à Alexandre en récompense, un fief en Bretagne en attendant qu'il hérite de Byzance par son père, et tout ce qu'il souhaitera. Alors, il voudrait demander la main de Sœur d'Amor, mais il ne le fait pas parce qu'il connaît pas ses sentiments. Oui, il y a de longs moments introspectifs entre les deux. Hein. C'est pour ça que l'histoire, c'est facile à résumer, parce qu'il y a des longs moments où il se tourmente de l'amour. Genre, il y a, je pense... facilement 5 ou 6 pages où il se pose la question de comment être amoureux et il dit « Ah, c'est une flèche qui m'a transpercé le cœur. » Il y a des dialogues intérieurs aussi. Elle n'a pas laissé de plaie. Oui, mais elle est passée par l'œil. Mais elle est passée par l'œil sans t'abîmer. Enfin, il se parle à lui-même. Et c'est Guenièvre qui les rassemble et qui dit « Écoutez, ça se voit que vous êtes amoureux. Avouez-vous vos sentiments. » Et finalement, c'est comme ça qu'ils se marient et que de leur union naît Cligès. Je note juste que le traitement des prisonniers par Alexandre est assez intéressant. Genre, il les capture et il va les livrer à Guenièvre. Parce qu'il dit, si je les livre à Arthur, il va les pendre instantanément. Et Arthur est pas content, il vient vers Guenièvre et il dit, non, c'est moi qui dois juger les prisonniers, vous me les donnez. Et le lendemain, ils discutent, ils débattent s'il faut les écarteler ou les faire brûler vifs ou je sais pas. Finalement, plutôt que les pendre ou les brûler, Arthur les fait écarteler. Donc, il y a une conception de la justice royale qui est assez, disons, pas très clémente. C'est pas vraiment un roi tendre. Et donc, quand l'empereur de Byzance meurt, il y a un navire qui vient avertir Alexandre, mais il fait naufrage avant d'arriver. Et le seul rescapé mentira. Il dira, ah ouais, on a trouvé Alexandre, mais il a péri avec le bateau, parce qu'il préfère en fait le frère cadet Alice. Et du coup, ben, Alice dit, bon, ben, Alexandre est mort, je monte sur le trône. Et quand il apprend ça, Alexandre le rejoint à Constantinople, et ils parviennent à un accord pour éviter un conflit ouvert, parce que ça pourrait dégénérer en guerre civile. Il dit, eh ben, Alice, tu peux rester sur le trône, mais tu n'auras pas d'épouse et pas de descendance, et c'est Cligès, mon fils, qui te succédera. Alexandre meurt peu après, et Sœur d'Amour meurt d'amour instantanément, comme il est mort. C'est la fin de ce premier cycle, et Alice va rompre son serment. Donc on saute à peu près une quinzaine d'années dans l'histoire, Cligès a 15 ans, il est magnifiquement beau et blond, tout le monde est blond et d'une blancheur éclatante, hein. Et il va rompre son serment en allant épouser Fénice, la fille de l'empereur allemand, ce qui déclenche une guerre avec le duc de Saxe, qui voulait aussi l'épouser. Ces événements sont inspirés par des événements probablement actuels à l'époque de Chrétien, c'est-à-dire une ambassade de l'empereur byzantin Manuel en Allemagne. Donc il y a certains de ces éléments et de ces projets de mariage qui sont probablement inspirés par son actualité en fait, et aussi des trahisons de certains personnages nobles qui reflètent en fait l'histoire de ce moment-là. Et en fait, il y a des échanges entre l'Empire byzantin et l'Allemagne depuis longtemps, typiquement Théophano qui était l'épouse de Othon II. Il y a depuis longtemps les deux empires qui s'échangent des épouses. Donc c'est il y a un peu cette fascination pour la Grèce qui vient de ce renouveau d'intérêt pour l'antique, mais il y a aussi bah, le fait que l'Empire byzantin échange effectivement avec l'Europe occidentale. Et donc, Cligès a 15 ans, il fait partie de l'ambassade qui va en Allemagne, et là il croise Fénice et il tombe instantanément amoureux, de nouveau, donc comme son père avant, et c'est là qu'on retrouve la structure de Tristan et Iseult. Fénice va épouser Alice, mais elle est amoureuse de son neveu, Cligès. Et du coup, bah là, contrairement à Tristan et Iseult, c'est pas un filtre d'amour, c'est pas involontaire, et ça va plutôt bien se finir. Donc, Fénice demande une potion à sa nourrice, qui vient de Thessalonique, donc qui est une sorcière, parce qu'apparemment les sorcières viennent de Thessalonique. Ça s'appelle Thessala, parce que c'est très subtil. C'est très subtil, ils s'embêtent pas vraiment pour les noms. Hein. Et une potion qu'elle pourrait donner à son mari, comme ça chaque nuit, il croira qu'il couche avec. Donc chaque nuit, Alice, il s'endort, il est d'un sommeil de plomb, et il rêve qu'il couche avec Fénice. Du coup, ben, il croit que le mariage est consommé, mais en fait, il ne l'est pas. Du coup, ça préserve la virginité de Fénice pour Cligès. Parce qu'il faut préciser que ça va être chaque nuit hein, qu'il va être comme ça. Il va rêver qu'il a une vie sexuelle d'enfer, mais en fait, pas du tout. C'est une potion qui lui fait ça. C'est un effet assez durable. Et du coup, parce que elle précise bien que elle aime d'amour son le neveu de son mari, mais qu'elle ne veut absolument pas qu'il lui arrive les mêmes choses qu'avec Ise, parce que ouais. Ise, en fait, en gros, ce qui est impliqué, c'est que Ise, c'est une grosse, voilà, c'est une, elle écarte ses jambes à la fois pour son mari, oncle, pour son mari et pour le neveu de son mari, et que on veut pas être quelqu'un d'aussi misérable moralement que ça. C'est vraiment, hein, c'était dit de façon, je ne projette pas du tout, hein, c'est vraiment le chrétien qui écrit ça, quoi. Elle veut pas passer pour. Elle veut pas suivre l'exemple de Tristan Iseult. Voilà. Et ils le disent à plusieurs reprises quand ils parlent de leur amour, ils disent, ce qui est intéressant, c'est que pas quelque chose qu'on retrouve dans les histoires d'Iseult, parce que c'est vu comme de façon tragique le fait qu'Iseult doive coucher avec son mari, alors qu'elle est amoureuse de Tristan. Alors que là, c'est vraiment, moralement, c'est pas du tout le truc à faire. Je veux pas donner mon corps à deux alors que le cœur n'est qu'un. Le cœur et le corps doivent aller au même. C'est une version très idéaliste, en fait. Il y a une idée de la fidélité, voilà, qui est assez, pas idéaliste, ça implique que j'endorse particulièrement cette vision. Non, pas du tout, c'est vraiment le chrétien qui porterait le fait de vouloir à tout prix rester fidèle comme pas de possibilité si on couche, donc on va s'arranger pour ne pas avoir à coucher avec le mari. Donc il y a une potion, donc là c'est intéressant parce qu'il reprend le mécanisme de la potion, mais plutôt que pour contraindre le récit, justement, c'est pour avoir de nouvelles possibilités et libérer un peu des contraintes de l'histoire. Là, il y a une parenthèse où Cligès va en Bretagne pour faire ses preuves de chevalier, comme son père, et il participe à un tournoi qu'il remporte chaque jour avec une armure différente. Genre, quel est ce chevalier vert? Et il gagne tout, et le lendemain, un chevalier bleu, et chaque jour il gagne, et puis à la fin, on révèle bien sûr que c'était lui dans toutes les armures différentes. C'est le petit neveu d'Arthur, le neveu de Gauvin. C'est le fils de la sœur de Gauvin, qui est le fils de la sœur d'Arthur, donc un neveu au second degré. Un petit neveu. Neveu. Donc ça, c'était un peu une parenthèse qui rend le truc arthurien, genre hop, on met un tournoi vite fait, mais il n'y a pas le temps de le développer vraiment. Il revient en Grèce, Fénice et lui s'avouent leurs sentiments parce qu'ils ne l'avaient pas encore fait, et ils devisent un plan. Fénice feindra une maladie, elle boira une potion qui lui donnera l'apparence de la mort, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi cette histoire Cligès ou la fausse morte. Un motif qu'on va retrouver jusque, bien sûr, dans Roméo et Juliette, mais là on a donc Fénice qui va passer pour morte pour se faire enterrer et déterrer et pouvoir vivre en secret avec Cligès. Ça marche plutôt bien, tout le monde la pleure, mais il y a trois médecins de Salerne qui se souviennent de la ruse de la femme de Salomon, qui détestait tellement son mari qu'elle feignit la mort. Donc ça, c'est une histoire médiévale sur la femme de Salomon et la tromperie des femmes qu'on connaît à ce moment-là. Il y en a d'autres mentions médiévales. Et du coup, ils arrivent, ils déchirent son linceul, ils la jettent par terre, ils la tabassent, puis ça marche pas, sans succès. Ils la brûlent, ils lui versent du plomb sur les mains. Ils lui versent du plomb dans les mains, ce qui lui troue les mains, donc je sais pas si Chrétien sait exactement comment fonctionne le plomb fondu. Mais en tout cas, il la fouette, la frappe. Il y a une foule de femmes qui étaient autour du château pour la pleurer, qui voient la scène de torture par un interstice dans la porte, et qui va chercher des masses, des haches, etc., qui défonce la porte et qui jette les trois médecins par la fenêtre. Chrétien commente que c'est la meilleure chose que des femmes n'ont jamais fait, donc il doit, on sent un certain ressentiment contre des médecins, en fait. Et du coup, après que Cligès ait sorti le corps de Fénice de son tombeau, donc il a un espèce de valet, un cerf, Jean, qui fait tout pour lui, qui a une tour avec une entrée secrète et qui fait un tombeau spécial pour que Fénice ne s'étouffe pas dedans. Et ensuite, ils sortent le corps de son tombeau, elles vivent dans une tour qui a été aménagée par Jean, qui est architecte, et on nous dit d'ailleurs, ah Jean, tu es un cerf, tu dépends de moi et tu m'appartiens, mais si tu fais ça pour moi, je t'affranchirai. Donc c'est un peu, d'accord, c'est gentil de l'affranchir, mais en même temps, voilà, tu exploites quelqu'un de façon assez frontale. Et après ça, un jour, Fénice va aller dehors, et Jean dit, ah oui, il y a une trappe secrète pour un jardin secret qui est à l'abri des regards ici, vous n'êtes pas obligé de vivre enfermé. Et du coup, ils vont batifoler dans le jardin. Après un an quand même, après un an à passer leur temps au lit et à faire... Dieu sait quoi. Là, il y a un chasseur Trace, nommé Bernard, un nom authentiquement Trace, qui les surprend. Cligès lui court après, lui tranche une jambe quand il escalade le mur pour sortir. C'est assez... Disons, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises à ce moment-là. Malgré ça, il arrive à aller arriver de l'autre côté et alerter Alice. Et il dit, j'ai vu Fénice et Cligès. Puis apparemment, Alice le croit parce qu'il se rend là-bas. Mais il trouve le jardin vide. Il y a Jean qui lui dit, ils sont fugitifs, mais tu ne le sauras jamais parce qu'en fait, tu crois que tu couches avec Fénice tous les soirs, mais on t'a fait boire une potion qui te fait croire ça. Et il lui déballe tout le plan sans aucune raison. Mais Alice refuse de le. Il dit qu'Alice ne doit pas le tuer parce qu'en fait, il n'est que le cerf, donc il devait obéir. Ouais, il profite de son infériorisation pour dire non, je peux pas être jugé responsable. Il lui dit donc, je te tuerai quand j'aurai retrouvé ton maître. Ouais. Essentiellement. Clige et ses fénis s'enfuient jusqu'en Bretagne. Progressivement, ils trouvent différentes cachettes de gens qui les hébergent. Ils arrivent en Bretagne. Arthur dit ah, ça va pas se passer comme ça. On va lever une armée énorme, des milliers de soldats. On appareille nos bateaux. On va aller libérer ton royaume et te rendre ton trône. Et là, il y a un messager qui arrive. En fait, il y a ces gens qui arrivent et qui leur annoncent que Alice est morte, tourmentée de douleur parce qu'il n'arrivait pas à trouver Cligès. Et du coup, Fénis et Cligès, ils rentrent chez eux, ils sont couronnés et tout est bien qui finit bien. Donc l'histoire est beaucoup plus facile à résumer parce qu'en fait, il y a énormément d'introspection et des longs passages de dialogue intérieur qui prennent la place, des atermoiements. Cela dit, c'est plutôt bien écrit pour le coup. Ils sont magnifiques. Ça débouche sur la discussion de l'amour. C'est une façon. Chrétien, même déjà dans Eric, a un vers assez libre, disons. Il n'est pas simplement concentré dans son passé historique ou son passé simple. Il ne va pas dire, voilà, il s'est passé ça. Il n'hésite pas à changer de temps, par exemple, dès qu'il s'agit de décrire une action. Il passe au présent. Il est très dynamique dans ses descriptions. Et là, quand il s'agit de faire de l'introspection, il est très descriptif. Il rentre vraiment dans l'esprit de ses protagonistes, qui les rend peut-être plus intéressants que Eric et Enid, justement. Il les fait dialoguer avec eux-mêmes. Formellement, il n'est pas très strict, justement, sur un mode de narration très extérieur, très plan-plan. Il est vraiment très dynamique, pour le coup. Non, c'est intéressant. Après, justement, ça laisse peu de place pour les événements. Donc, du coup, on a l'impression, des fois, d'une histoire tellement accélérée que Arthur débarque en Bretagne et il se fait trahir instantanément. C'est même pas. On s'amusait pendant le tournoi et puis d'un seul coup, il y a un messager qui arrive. Il y a un messager qui s'est accroché derrière le bateau, en fait, et qu'on a aperçu que quand on est arrivé en Bretagne, il y a pas de temps qui se passe. Cligès et Fénis arrivent. On monte une armée, et bien en fait, il y a un messager qui arrive et qui dit bon, il n'y a pas de temps, il faut boucler l'histoire, donc il est mort de douleur. Il y a Cligès qui va en Bretagne faire son tour. Il y a plein de moments où on se dit bon, comme il y a deux histoires qui doivent être compressées, les parents de Cligès et Cligès, il y a beaucoup de choses qui se passent très vite. Ça me fait beaucoup penser à ces romances. Ces romances classiques justement du type on l'a vu les romans de thème, mais surtout Apollonius de Tyr par exemple, c'est vraiment des romances où tout se passe très vite sur plusieurs générations et où il n'y a pas vraiment de temps pour les détails disons il n'y a pas de temps pour 15 000 aventures, il se passe un truc, on va réfléchir beaucoup et après il se passe un nouveau truc. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup c'est une des histoires arthuriennes les plus géographiquement placées disons dans le monde contemporain. Il y a pas des, c'est pas des îles, des royaumes inconnus comme Lac ou bien des villes un peu inconnues. Non, c'est vraiment quand il va en Angleterre, il va pas simplement à Cardigan ou à Camelot, il va à Caerleon, enfin c'est un des royaumes un peu mythiques, il va vraiment à Oxford, à Winchester. Il rencontre Arthur à Winchester, il atterrit à Southampton, son vassal de Windsor. Son vassal de Windsor, il passe par Londres. Quand il va en Allemagne, il rencontre les Saxons de Saxe, pas les Saxons. Oui, on l'a pas trop mentionné, il y a toute une guerre contre les Saxons où Cligès peut faire ses preuves. Il va à Ratisbonne pour rencontrer l'empereur, qui est là où effectivement l'empereur, qui est une des capitales de la diète impériale au Moyen-Âge. Donc il y a vraiment un sens que c'est géographiquement beaucoup plus pointu, quoi. Après, c'est un peu élémentaire. C'est une sorcière de Thessalonique qui s'appelle Thessala, il y a un trace qui s'appelle Bertrand. C'était Bertrand ou Bernard, t'avais dit Bernard ou Bertrand, je sais plus. Alors, c'était... Je crois que c'est Bertrand. La vision de la Grèce est quand même très ancrée dans l'actualité et quand même pas très. Il n'y a pas vraiment de vision fantasmagorique, mais il y a quand même, je pense, un certain, peut-être pas orientalisme, mais il conclut, disons, la conclusion c'est. Tous les jours, leur amour grandissait et jamais Cligès ne lui ôta sa confiance, ni ne lui chercha la moindre querelle. Jamais plus elle ne fut enfermée de force comme le furent les impératrices qui lui succédèrent. Depuis lors, en effet, tous les empereurs craignirent d'être trompés par leurs femmes parce qu'ils avaient entendu la double trahison d'Alice par Fénis, d'abord par la potion, puis par la fausse mort. C'est pourquoi toute impératrice, même de très haute naissance, est gardée à Constantinople comme une prisonnière. L'empereur n'a pas confiance en elle car le souvenir de Fénis demeure. Il l'a fait en permanence garder dans une chambre, plus par méfiance que pour la protéger du soleil. Avec elle, il ne doit y avoir aucun mal qui n'ait été châtré dès l'enfance. Il n'y a alors plus aucun risque pour qu'amour les retienne en ses liens. Ici finit l'œuvre de Chrétien. Donc c'est vraiment, c'est la morale que, en fait, c'est pour ça que les Byzantins enferment leurs impératrices. Quand on sait qu'il y avait des réels projets de mariage entre des Byzantins et des souverains occidentaux, disons, il y a cette espèce de méfiance un peu contre l'Orient avec ses eunuques et puis ses femmes qui sont enfermées. On voit qu'on construit déjà ça. Dans cette dynamique-là, à la fin, en fait. Ce qui est drôle, c'est que c'est quelque chose qu'après, c'est le mythe, le méchant turc qui emprisonne les femmes, alors que là, c'est déjà les Byzantins qui sont blâmés pour ça. Mais puis surtout, c'est intéressant parce que finalement, la morale de l'histoire, c'est que la trahison de Fénice, elle est justifiée par le narratif. Mais il dit, mais finalement, ça a poussé les Byzantins apparemment à devenir misogynes et à pas faire confiance à leurs femmes. Et l'histoire de Cligès et Fénice se finit bien, c'est un couple heureux. Et c'est, je pense, la dimension principale, en fait. C'est une histoire de Tristan et Iseult. Mais comme Jean Frappier disait, c'est un néo-Tristan, c'est une version de l'histoire mais où au lieu qu'il tombe amoureux à cause d'un filtre, bah, il se tombe amoureux instantanément, il veut l'être ensemble les deux. L'oncle est vu comme méchant, mais il n'est pas non plus cartoonique. Non, il est assez. Il n'y a personne qui est vraiment. À part en Grèce, le vassal de Windsor. Puis même le duc de Saxe, au final, se repent d'avoir voulu. C'est le duc de Saxe qui est jaloux parce qu'il voulait épouser la fille d'empereur d'Allemagne Denis à la base, et donc c'est la guerre entre Cligès et Alice et les Saxons. Même lui se repent assez facilement, finalement, sans mourir. Cligès n'a pas d'animosité contre son oncle. Au départ, dans la guerre contre les Saxons, justement, il est de son côté, et puis il accomplit des prouesses. Alors qu'il pourrait avoir dit « Non, non, mais t'avais promis à mon père que tu ne te marierais pas, que ce serait moi qui te succéderais. » Apparemment, il était trop jeune pour s'en rappeler, mais en tout cas, il a l'air d'être au courant quand même, parce qu'il en parle à Arthur. Donc, ouais. Et à la fin, c'est bien Jean qui dit « Mais de toute façon, tu ne devrais pas me tuer, et d'ailleurs, ils nous ont bien fait de faire ça, parce que tu n'avais pas tenu ta promesse. » Puis Arthur, après, justifie l'envoi de l'expédition pour ça aussi. C'était contraire à ta promesse. La pression. Donc, après, il se mariait sur pression de ses conseillers. Donc, c'est aussi intéressant de voir que c'est justement les conseillers de l'Empire qui justement le poussaient à dire bah, il faut que tu prennes une femme maintenant et que tu trahisses ta parole. Donc, il y a quand même justement cette histoire morale de comment un roi devrait se comporter ou pas. À bien des aspects, justement, ça qui est intéressant, c'est que ça fait très post-arthurien finalement. Ça se passe vers la fin. Présumé, c'est comme dans Geoffrey finalement, c'est sur la fin du règne d'Arthur qu'on commence à avoir des mouvements assez importants dans toute l'Europe et à Rome, le narratif va jusqu'en Europe, à Rome. Là, on est vraiment dans une dimension très européenne finalement, très géographiquement contenue. On va vers des peuples qui ne sont pas forcément existants en tant que tels. Hein, les Saxons en Saxe, Ratisbonne, l'empereur d'Allemagne. On est dans un empire qui est moderne, en fait, contemporain. Mmh. On n'est même pas dans la dimension pseudo-antiquité tardive de Wasse. On trouve des Saxons, mais ils sont en Saxe, et puis finalement, ils n'essaient même pas d'envahir l'Angleterre. Oui, c'est ça. C'est l'impression que c'est une cour d'Arthur qui a été transposée à peu près au XIIIe siècle, XIIe siècle. Ouais, il a mis à jour la géographie. Voilà, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est une dimension plus un peu à part finalement, c'est ça qui fait que Cligès un peu séparé. Il y a aussi cette dimension dans le temps, bien sûr, ce saut dans le temps, il est le petit neveu d'Arthur. C'est rare qu'on aille assez loin pour qu'Arthur ait des petits neveux dans le narratif, quoi. On rencontre plusieurs personnages qui vont avoir un plus grand rôle plus tard, notamment il combat un certain Perceval pendant un tournoi, ce qui montre que le personnage en tout cas était dans l'esprit de Chrétien comme un chevalier proéminent, même s'il n'avait pas encore écrit son histoire d'origine. Et on va les retrouver les prochaines fois, je pense qu'on va gentiment conclure pour cet épisode, fois, ouais. Malgré sa longueur. C'était deux romances, les deux premières romances arthuriennes qui nous sont restées. Il a fait sûrement une histoire de Tristan et Iseult avant ça, mais on ne l'a plus. Donc les deux premières qui nous sont parvenues. Il dit une histoire d'Iseult et du roi Marc, hein, donc c'est possible aussi que ça implique Tristan d'une façon un peu différente. Et il a l'air d'avoir des opinions assez marquées sur Iseult en tout cas. Mais du coup, il a donné sa version de ce que devrait être une histoire d'amour arthurienne, qui va pas forcément avoir autant de postérité que celle de Tristan. Et c'est peut-être un peu le problème de ces deux œuvres, c'est que c'est peut-être pas des œuvres de jeunesse, mais en tout cas, peut-être pas les voir comme des coups d'essai. Mais il y a en tout cas un certain déséquilibre entre Eric qui a pas d'intériorité, Alexandre et Sœur d'Amour qui ont peut-être trop d'intériorité, où ça devient vraiment le focus principal. Cligès et Fénice aussi. Hein. Il est Cligès et Fénice. Il essaye peut-être de trouver ses marques et faire des essais de qu'est-ce que devrait être pour lui une romance arthurienne. Il y a aussi le fait qu'ils travaillent les deux dans des champs qui sont très larges finalement et qui les rendent moins aptes à en faire des aventuriers plausibles. Peut-être Erek est chevalier mais il est aussi roi. Cligès devient aussi un roi d'un royaume lointain, donc il y a aussi cette notion qu'ils sont peut-être pas aussi permanents à la cour d'Arthur que quelque chose comme Yvain, Gauvin, Lancelot ou Perceval. C'est-à-dire que c'est pas encore des chevaliers. Il y a cette idée que le chevalier c'est le noble avant qu'il accède au trône, il fait ça en attendant de monter sur le trône, mais ça se conclut par leur couronnement. Alors que Yvain, Lancelot ou Perceval, Perceval ça se conclut pas, mais Yvain, Lancelot ou Perceval ils restent dans leur statut, disons, intermédiaire. Ils sont pas couronnés à la fin, quoi. Ils accèdent pas au statut royal qui conclut finalement leur aventure. C'est ça, c'est peut-être en cela que Cligès et Erek sont plus parents avec des romances comme Horn, Havelock, qui sont des romances préexistantes où c'est toujours les romances d'un roi perdu qui va retrouver son trône à la fin ou d'un roi qui va, d'un prince qui va apprendre à gouverner. Alors que Gauvin, Yvain, Lancelot sont des héros peut-être plus universels. Parce que c'est pas ils vont pas forcément tous devenir princes, mais ils vont être des bons servants de leur maître en fait. Et aussi, il faut voir que, comme on l'a dit, ce qu'on entend par idéal chevaleresque, ça ne veut pas forcément dire que Arthur c'est un tendre. Il y a quand même une idée de la justice qui est assez rêche. Il y a une idée, typiquement, les Grecs quand ils remportent leur victoire, c'est par traîtrise finalement, ils en attaquent des gens qui sont désarmés. Donc quand on pense chevalerie, on pense pas encore à ça. Après, c'est vrai que quand on lira les aventures de Lancelot, Perceval et Yvain, on trouvera aussi des choses à redire. On n'est pas encore, disons, dans une vision purement héroïque, absolument. Héroïque, absolue et sainte de la chevalerie, si on veut. Mais on voit déjà se former ce paradigme, si on veut. C'est ça. Je pense qu'il faut retenir d'Erek et de Cligès ces bases, disons, qui sont posées du narratif arthurien. Cligès, peut-être un peu moins, parce que c'est vraiment une histoire qui semble un peu être à part. Qui semble genre un trajet d'histoire auquel on a voulu rattacher Arthur plus qu'autre chose. Ouais. Ce qui finalement est très proche du traitement de la légende de Tristan et Isolde, donc il a réussi un peu son coup. Ça place ça sur un plan un peu différent de ce qu'on va avoir ultérieurement. Voilà, mais c'est en cela en tout cas qu'ils sont intéressants et qu'il vaut la peine de les lire, je pense au moins une fois, pour se faire une idée peut-être du parcours aussi de Chrétien. Mais je dois avouer que c'est pas mes romances préférées de Chrétien. Je trouve que celles d'Yvain, de Lancelot et de Perceval sont en tout cas sont tellement plus marquantes et tellement plus importantes pour la suite. Et ont justement peut-être plus cet équilibre dans la narration. Il y a un équilibre vraiment qui, je pense, a été atteint avec celle-ci. Donc la prochaine fois, on examinera Yvain et Lancelot, qui ont été peut-être rédigés en parallèle. En tout cas, narrativement, elles se passent pratiquement en même temps. C'est des on a des indices qui laissent penser que leur récit se passe dans le même espace de temps. Ce qui peut être intéressant du coup de les voir, on va réexplorer de nouveau ces thèmes. Qu'est-ce que c'est, comment un chevalier doit traiter ses aventures, comment il doit traiter ses relations amoureuses, comment il traite une relation adultère finalement, parce que ça va aussi poser problème entre Lancelot et Guenièvre. C'est là qu'on va découvrir le personnage d'Yvain, le personnage de Lancelot. C'est pas forcément, il existait probablement avant, mais ça va être ses débuts littéraires, et la relation entre Lancelot et Guenièvre qui va devenir une pierre indispensable de la suite du cycle arthurien jusqu'à nos jours. Encore de nos jours, c'est un passage obligé pour les adaptations arthuriennes, que ce soit Camelot, que ce soit Excalibur, que ce soit à peu près tout, quoi. Ça devient c'est ça qui devient la raison de la chute d'Arthur dans Malory, ouais. Et c'est ça qui va finalement prendre et supplanter finalement Mordred par bien des aspects. Donc avec Chrétien 3, c'est dur de dire, on aime bien dire, il y a cet élément-là qui est nouveau, mais avec Chrétien 3, il y a tellement d'éléments qui vont s'ajouter, pour Erek et Cligès, pas tant, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont s'ajouter au mythe arthurien, si on veut, et qui vont faire partie, disons, de ce socle, que ce soit l'amour de Lancelot et Guenièvre, tout le monde de la chevalerie de son époque qu'il a finalement infusé là-dedans et qui va rester là, va pratiquement rester à ce stade-là. Après, avec Perceval, la quête du Graal, et on va continuer à examiner ça les prochaines fois, et on espère que vous serez là avec nous. À la prochaine. À la prochaine fois. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans la Gapar sur Radio Kawa. le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo, avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté. La Dev Team, c'est une fois par mois, et c'est sur Radio Kawa. Vivant, vous êtes vivant.